Ouais, carrément. Ouais. Et j'imagine qu'elle fait plus vieille que son âge, plus mature et tout ce qui va avec. Exactement. Mmh. Protège-toi, fais attention mon chat, parce que même si elle en a très envie, c'est vrai que c'est un peu risqué, on ne sait pas comment sa famille peut réagir, même comment elle peut réagir si ça se passe mal ou autre. Et c'est vrai que voilà, vous bossez ensemble, elle a l'air mature et tout, mais peut-être que l'écart va se sentir à un moment donné quand même, hein, au niveau des envies, au niveau tu vois, des projets, des potes. Puis surtout des possibilités. C'est-à-dire que toi, tu as 20 ans, tu as probablement ton permis de conduire, tu peux partir, prendre des vacances. Pour elle, c'est peut-être un peu moins facile tout ça. Donc parfois, vaut mieux peut-être attendre un petit peu pour se retrouver un tout petit peu plus tard. Ouais, c'est un peu ce qu'on fait en ce moment là. On prend notre temps, on y va tranquillement, on verra par la suite. Vous êtes déjà embrassé? C'est très compliqué. Oui, oui. Ah, oh là là, beurre. C'est-à-dire que vous regardez vos calendriers et puis vous prenez rendez-vous d'ici un an ou deux. Non, mais bon. Ouais. T'imagines, toi, tu vas vouloir très vite passer à l'étape supérieure. Elle, est-ce qu'elle est prête à 15 ans aussi? Tu vois, il y a tout ça aussi, l'aspect sexuel à voir. Hein. Je suis d'accord, mais bah oui. Je n'en dirai pas plus à l'antenne. Ah, mais je comprends, mais juste fais attention à toi et à elle surtout, parce que toi, t'as 20 piges, oui. Mais elle, voilà, elle est certainement, elle n'a pas les mêmes armes, et même si elle se sent prête et qu'elle te dit, oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète, j'ai les épaules et tout, 15 ans quoi. Hein, ouais. 15 ans, mon chat. Faites donc, attention à vous deux, les chatons. Hein. Ouais, ça marche. Alors, tiens-nous au courant, ok? Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Et on t'envoie plein de bonheur dans ta face, Théo, hein, tu l'auras pas volé. Ouais. Hey, bisous canaillou. Bisous, à bientôt. Bisous. Ah, c'est toujours délicat, hein. On peut pas trop conseiller. Honnêtement, 15 ans, moi ça me paraît jeune. 15-20 ans, je suis pas pour, oui Flo. Moi je pense que quand tu te réfères à des dates historiques, ça peut te calmer. Genre, tu te dis, elle a pas connu le 11 septembre. Bon, tu peux te dire, ça fait un peu vrai. Jeune. Ouais, mais bon, après, dans ces cas-là, ouais, si, pourquoi pas. Rémi du standard. Non, je sais pas si je dois prendre cet argument ou pas. Ouais. Rémi, mon chat, toi, oui. Bon, bah, on tombe sur toi et Axel quand on appelle le 01 42 48 5000. C'est vrai que tout à l'heure, tu nous as dit, j'ai une histoire de ouf sur les différences d'âge. Eh ben, on arrête de l'entendre. Moi, j'ai une histoire de ouf. Qu'est-ce qu'il y a? Mais... Ok, c'est dans ma famille. Ouais. En gros, ma soeur sort avec le collègue du frère. Attends, est-ce que Rémi a du mal à s'exprimer? Sors avec le collègue de mon père. Alors attends, mais prends ton temps. Non, arrêtez de vous moquer de lui. Non, c'est quand il panique. Oui, quand il panique, il n'arrive pas à parler. Rémi, vas-y, explique en qu'est-ce gros, qui se passe. Mon père, non, oui. Ma soeur oui. Sort avec le collègue de mon père. Arrête. Et ils ont beaucoup d'écart. D'accord, mais c'est. Mais ils ton ont père, beaucoup d'écart. Ton père, il l'a pris comment? Ah, elle le prend bien. Mais on a fêté son anniversaire le week-end dernier, c'était la fête à la maison, vraiment. Mais attends, ça, mais c'est gênant, quand même. Il y a combien d'années d'écart? Une vingtaine. Ma soeur en a 24 et on a fêté l'anniversaire de son mec qui est 40. Ah, ah ouais, quand même. Oui, mais c'est surtout le fait qu'il soit le collègue de papa, quoi. C'est quand même bizarre, je trouve. Mais après, en soi, si tout le monde l'accepte, en même temps, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal, Riri, c'est cool. Non, c'est grave cool. Toi, tu l'aimes bien en tant que beau-frère. Bah, je l'ai vu deux fois, mais ouais, il est sympa, quoi. C'est ça. Je l'apprécie. D'accord, oui, Pablo. De toute façon, est-ce que ce qui compte, c'était vraiment d'entendre l'histoire de Rémi ou juste entendre Rémi parler, en fait? On s'en fout, le conseil de Rémi. Je vous explique, c'est vrai que Rémi, il panique vite et quand il parle, et parfois, il a des bugs dans sa tête, mais ah bon, ça fait de lui quelqu'un de très attachant. Et vous exagérez. C'est horrible. Mais non, mais au lieu d'encourager, vous rigolez aussi. Ah, oui, excuse-moi, mais c'est un peu marrant quand même, quelqu'un qui mélange les mots. Attends, Rémi, ça empêche pas que je t'adore, c'est pas le propos. Mais quelqu'un qui mélange les mots, c'est hyper. Ah ouais, bah oui, c'est drôle. Oui. Bah, c'est gentil. Non, mais... Il se concentre de ouf là. Ouais. Je fais attention, là, je transpire, c'est horrible. Et en plus, son histoire, elle était super quand même. Ça sort avec le collègue de papa, c'est génial. Et donc, ça fait combien de temps, t'as dit? Qu'ils sont ensemble? 6 mois. D'accord. Ah ouais, 6 mois. Et ils ont combien de différence d'âge déjà? 20 ans. 20 ans, ouais. Non, mais c'était pas à vous de répondre. Non. Riri, tu seras toujours le bienvenu dans cette émission pour parler de ces histoires. Ah, vous êtes pénible. On va appeler le ou la gagnante du smartphone, le OnePlus 6T. C'est maintenant que ça se passe. On appelle à la maison. Ça va sonner, faut décrocher. Hein. Allez, c'est parti. Ça sonne. Moi, ça me met toujours une sorte de pression comme ça. Hein. J'ai toujours le cœur dans les chaussettes. C'est sûr. Hein. Est-ce que ce serait pas Rémi qui lui annoncerait? Rémi, reste là, Rémi. Allô? Allô? Ouais, oui. Maya? Oui? Ouais, salut, c'est Mario Enzo, mais c'est pas elle parce qu'en fait, moi je suis standard, mais enfin, en gros, on t'annonce que t'as gagné ton OnePlus 6. Non! OnePlus 6T! On va vrai, quoi! Merci beaucoup, je suis super. Le pauvre. Bravo, t'es un amour, Riri! Bah attends, c'est pas facile à dire, OnePlus 6T, c'est pas facile à dire, Riri. C'est gagné, ma petite Maya, tu t'es inscrite tout à l'heure, mon chat. Ah, je suis trop contente, merci beaucoup! Eh ben, tu sais quoi, on t'envoie ça, c'est à l'occasion du Salon du Geek qui aura lieu le 13 octobre prochain. Ce sera à Paris, le Salon Geeks Live. Exactement. Super. Oh, merci infiniment. Franchement, je vous écoute tous les soirs, je change absolument rien. Vous êtes parfaite. Eh ben, c'est toi qui es parfaite, Maya. On t'envoie le téléphone à la maison. Et puis, si t'as l'occasion de passer du côté de Paris, il faudra que t'ailles au Geeks Live. C'est vraiment un salon de ouf, d'accord? Bah oui, je suis pas très loin, donc j'irai. Avec Allez. Plaisir. Eh ben, on t'embrasse très fort, Maya. Moi aussi, gros bisous. Au revoir. Bisous. Ciao. Ouais, au revoir. Et on va accueillir l'équipe de Love in Fun. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ils vont bien, ils sont en forme. Bah oui, grave, on aime beaucoup Rémi, qui nous a bien fait mais bien oui, fait rire. Petit chat, il est trop, il est hyper touchant, il est trop mignon. Moi, c'est vous tous qui me faites rire. On est les bouffons de Rémi. Mais surtout, c'est le seul gars qui dit ça en chialant. J'adore. Mais non, mais Rémi, t'inquiète pas, bah, franchement, te laisse pas déconcentrer. T'es un bon gamin. Ouais. T'es un bon gamin. On va peut-être en faire un jeu quand même. Et j'avais jamais vu le tatouage de Doc, il est énorme. Il a un tatouage sur l'épaule. Non, c'est pas son tatouage apparemment, Marion. C'est, bah, c'est quoi Mais c'est magnifique, on dirait. C'est un papillon qui a tâché dessus. Ou... Non, il est très beau, il est coloré. Ça ne représente rien. Voilà, c'est ça. Franchement, c'est ça, il s'emmerde pas. C'est du lancer de main. J'ai dit à la tatoueuse, vas-y. C'est très joli, Doc. Fais voir ton tatouage, Doc. On va prendre une petite photo. Bah ouais, on dirait un Picasso. Ah ouais, putain. Ah, c'est un délire. Effectivement, la personne s'est ratée. C'est abstrait. Bon, Karel, Doc, Alice, on vous retrouve ce soir. En tout cas, encore une fois, jusqu'à minuit sur Fun Radio. On vous embrasse. Et nous, on sera de retour demain dès 20h avec un invité. C'est Walidia qui sera avec nous dans le Night Show. Si vous avez des questions, page Facebook, Marion et Anso, on vous embrasse. Au revoir. Bisous. Tous les soirs. Plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Radio. Salut tout le monde, bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission des tatoués. L'émission des tatoués. C'est vrai ça, putain, j'avais pas vu ton tatouage, Doc. En fait, je l'avais vu, mais je savais pas ce que ça donnait quand on relevait le truc et tout. C'est vrai que c'est vachement abstrait. C'est ça. Et alors, tu t'es organisé comment pour demander ce tatouage? Tu lui as dit, vas-y, exprime-toi, fais. C'est ça, l'idée c'était ça. Je lui ai dit, j'ai envie que tu laisses faire ta main. D'accord. Voilà, mais c'était la main d'un enfant de 11 ans. Hein, c'est ça le problème, hein, bien sûr. Ouais. La maîtrise du dessin nécessite un âge un peu plus important. Bah, j'imagine bien. Alors, on va vous mettre une petite photo du tatouage de Doc, carrément. Sur l'Insta, on va poster ça où, Alice? Sur l'Insta Story de Love in Fun. Sur l'Insta Story, on est très heureux d'être avec vous. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée le lundi. Hein, on sait ce que c'est la reprise. Là, ça y est, c'est passé, les amis. Maintenant, vous allez vous détendre pendant 2 heures. Love in Fun, c'est une émission différente, vous le savez, hein, pour les plus fidèles d'entre vous. Mais je pense toujours à ceux qui peuvent peut-être nous rejoignent pour la première fois ce soir et vont découvrir cette émission si particulière, si intime avec vous chaque soir. Moi, je m'appelle Karel, Doc est là. Doc est médecin, sexologue, on a parlé de son tatouage. On en découvre un petit peu plus chaque jour sur Doc. Hein. Bientôt, on apprendra des choses, je vous explique même pas. Ah, et ça viendra. Vous ça viendra. Ne saurez jamais tout. Ah bah heureusement. Est-ce qu'on sait tout d'Alice après ces 3 ans à Love in Fun? Bah je pense que vous en savez déjà pas mal. Ouais. Ah oui, ça c'est vrai. On sait pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on sait sur toi, Alice? On sait la taille de mon soutif, la façon dont je m'épile, mes positions sexuelles préférées. Je pense qu'on sait déjà pas mal de trucs assez intimes. Bien sûr, si vous tapez Alice Fun Radio, vous tomberez sur une vidéo où Alice me raconte sa première bifle. Exactement, c'est vrai aussi. Hein, non, mais bien sûr. Ah mais ici, on partage tout. Vous voyez, on est dans le partage. Donc, si nous, on partage, venez aussi partager. C'est ça l'échange, la communication. 01 42 48 5000. On va accueillir notre auditrice du soir, Mélanie. Hey, salut toute l'équipe. Salut. Salut. Car oui, tous les soirs, nous avons un auditeur ou une auditrice qui fait l'émission avec nous pendant les 2 heures. Mélanie, comment s'est passé ton lundi? Super. Super. Génial. D'accord. T'as le droit de dire que c'était pas terrible, hein? Ah si, si, franchement, j'ai passé un bon lundi. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, alors? J'étais en cours. D'accord. Et alors, on a bien rigolé, donc c'était bien. D'accord. Et tu fais quoi en ce moment? T'es étudiante? Moi, je suis en première année de BTS AXE. D'accord. Alors, t'es de Saint-Brieuc. Alors, pas tout à fait. Hein. Moi, je suis briochin, donc je connais bien cette ville. T'es à côté. Hein. T'es à Quessoy, toi, Mélanie. Quessoy, ouais, c'est ça. On a discuté un petit peu. Quelles sont tes passions, Mélanie? J'aime beaucoup l'équitation et la boxe. Et la boxe. Tu fais de la boxe. Ouais. Genre, ça fait combien de temps ça fait combien de temps que tu fais de la boxe, Mélanie? 3 ans. D'accord. Genre, il y a un mec qui t'embrouille en boîte. Tu penses que t'es capable de... Ah bah, il me fout une tatane directe. Hein. Tu me fous une tatane. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ça, c'est la Bretonne. Hein, la Bretonne, elle met une tatane directe. Mélanie, tu te souviens de la dernière fois qu'on t'a draguée? Ouais. Et alors? Ça s'est bien fini. Ah, c'est vrai? Et c'était c'est ton dernier mec? Non, il s'est rien... Enfin, c'était... histoire d'un soir. Une histoire d'un soir. Et t'as un mec en ce moment, Mélanie? Non, célibataire. Voilà. Eh bien, j'ai l'impression que c'est toutes les Mélanie hein, qui sont célibataires, puisque je rappelle que notre Mélanie à nous, Méloche, hein, qu'on appelle bien sûr bien connue, Méloche est également célibataire. C'est son anniversaire dans 2 jours. Non, une semaine. Non, une semaine, pardon. Ah non, mais il se passe tellement de choses. On vous prévoit des petites surprises dans tous les sens. Donc je suis un petit peu perdu. C'est dans une semaine. Donc ça, on a le temps encore de s'occuper de Méloche du Standard. En attendant, Mélanie, tu vas faire de la radio avec nous. Tu vas choisir la musique. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Paradise de Offenbach. Allez. Le nouveau Offenbach dans l'émission avec Benjamin Ingrosso. Il y aura aussi Signs, UGL, Taio Cruz. Et enchaîné magnifiquement par Kassim. Ça va Kassim? Ouais, très bien. C'était propre. Hein. Ça, tu l'aimes hein, ce son. Hein. Je kiffe. Alvaro Soler, au standard, c'est Coco, bien sûr, et Méloche qui décroche. Ça va les amis? Ça va super! Super. Et ben ça fait plaisir, on va accueillir Adrien parce que oui, on veut des nouvelles d'Adrien. Ah oui. Adrien, alors émission de ouf hier, j'ai envie de dire. Ça avait commencé d'ailleurs avec toi Adrien. Bonsoir Karel, bonsoir Alice, salut Doc. Salut. Bonsoir Adrien. Alors déjà on est ravis de savoir que tu es toujours parmi nous sur la planète Terre. Hein. Toujours en vie, ouais. Bien sûr, je sais pas si Mélanie, notre auditrice du soir, a écouté l'émission hier. Non, pas hier. Bah, ça arrive, et c'est pour ça qu'on est là justement pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé. D'ailleurs, on va réécouter un extrait dans un instant. Adrien hier nous a appelé parce que il était en panique. Hein, c'était ouais, vraiment. Hein, c'était la panique, Adrien. Ah, hier, ouais, c'était la panique totale. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire hier pourquoi tu nous as appelé en début d'émission? Pour expliquer à Mélanie, du coup. Bien sûr, et à tous ceux qui n'étaient pas là hier. Qui n'ont pas écouté, ok. Voilà, c'est ça. Et ben, hier, en fait, je suis rentré avec mon copain, je suis rentré chez moi et je suis tombé sur mon père qui est en train de se masturber devant le vélo. Devant du cyclisme, c'est ça. Non, mais voilà. Et alors, du coup, t'étais traumatisé, quoi. Hein, c'est ça, j'étais traumatisé, je savais plus où me mettre, quoi, donc. Ouais, et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécouter quand on a appelé, parce qu'on a appelé ton papa. Oui. Ouais. On a appelé ton papa et alors franchement ça s'est pas passé comme prévu, on va pas se le cacher Adrien. Ouais, non. Hein, papa était pas hyper content de savoir qu'il était en direct sur Fun Radio hein, Adrien. C'est clair. Hein, et on avait vraiment envie de savoir ce qu'il s'est passé après cet appel. Tu nous dis tout dans un instant Adrien? D'accord, pas de souci Karel. Et ben on va réécouter dans un instant. Restez bien avec nous et surtout on va savoir ce qu'il s'est passé juste après cet appel. Restez bien avec nous. Et ça c'est Calvin Harris. Promises dans 3 minutes, à tout de suite les amis. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Salut la famille, c'est Christina. Malik Bentala lance un défi à Bruno. Bruno, je voudrais, s'il te plaît, que l'on fasse un match de FIFA tous les deux. Et si je gagne, je voudrais que tu me laisses l'antenne de Fun Radio avec mes potes. Si je perds, tu montes sur scène. C'est bon Bruno, tu t'es entraîné sur FIFA? T'es prêt? Non. Ça marche. Le match Bruno-Malik Bentala, ce sera mercredi à 9h15, juste après l'émission, à suivre en Facebook Live sur la page Bruno dans la radio. Et celle-là, regarde. Alors ça, c'est moi dans le grand bassin. Et là, ça, c'est moi. Oui, non, mais je vais y aller, là. Bah non, mais je croyais qu'on rentrait sur le même vol à 18h. Oui, mais je me suis trompé. En fait, je prends celui de 16h. Mais non, je voulais te montrer les photos de moi qui fait de la planche à voile. C'est bête. Ah oui, c'est bête. Avec EasyJet, il est possible d'embarquer sur le vol précédent pour seulement 30 euros. Et ça, ça change tout. Voir conditions sur easyjet.com. De 22h à minuit,

Ah putain, dites tout ce que vous en pensez. Est-ce que vous validez le tatouage de Doc? On l'a mis sur l'Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous follow hein, sur l'Insta de Love in Fun, L-O-V-I-N-F-U-N. Alice, le sien, c'est Alice _ Fun Radio avec le petit trait du bas. Oui. Et moi, c'est Karel Fun Radio avec un K. Pour Karel, bien sûr. Mais d'ailleurs, j'ai vu que tu avais publié une petite photo de l'équipe sur ton, ouais, sur ton Instagram avec une légende genre bande de thon. Voilà quoi. Voilà. Enfin, allez faire un tour sur l'Insta de Karel avec un K, comme il vous l'a bien dit. Bien sûr, bien sûr. L'équipe des cajots, j'avais pensé sinon. Il y avait bande de thon, je sais pas. On met des petites légendes comme ça. Sympa quoi. Sympa les potes. Ici, vous le savez, c'est que de l'amour. Hein, je vous le dis. Et d'ailleurs, de l'amour, on en a beaucoup donné hier à Adrien qui en avait beaucoup besoin. Adrien a 22 ans, il nous a appelé hier dans l'émission pour nous dire voilà, je suis rentré, j'étais avec mon petit copain, puisque je rappelle Adrien, voilà, il aime les hommes, j'étais avec mon mec, et puis bah, qu'est-ce que je vois, mon père en train de se palucher devant du cyclisme à la télé. Je l'ai vu remettre la couverture parce qu'il m'a entendu, et là j'étais en panique, on s'est barré, il n'y a pas eu d'explication. Je suis choqué, pourquoi mon père se branle devant du cyclisme? Non mais voilà, c'était aussi ça ton interrogation, Adrien, tu te posais la question quoi. Exactement. Bon, et alors hier, du coup, on a beaucoup discuté avec toi, on en a parlé, on a dédramatisé un doc, hein, tu nous as expliqué que se masturber quand on est un adulte, hein, ça arrive. Hein. Ça, même si on est en couple, même si on a une femme, même si on a des rapports sexuels satisfaisants, eh bien à côté, on a son petit plaisir personnel. Mais tu nous as dit quand même que tu voulais qu'on lui passe un coup de téléphone en direct parce que tu voulais avoir une explication avec lui et qu'on soit là pour t'aider. Je te propose de réécouter, Adrien, cette conversation magnifique avec ton papa. Ça roule. Hein, papa qui n'était pas hyper content de l'histoire. Et derrière, juste derrière, on vous dira ce qu'il s'est passé. Allô? Allô, papa? Ouais. Ouais, ça dérange pas? Non, pourquoi tu m'appelles en privé? Ben, je me suis trompé. Bah, écoute, je t'appelle en privé parce que voilà, je me suis trompé de numéro, à mon avis. Ouais, je t'appelle parce qu'en fait, tout à l'heure, quand je suis venu à la maison avec Maxime, tu sais. Ouais. Et ben, je suis rentré et je pense que t'es en train de. Bah, de faire être le garçon, quoi. Et ça m'a un peu. Tout à l'heure, quand je suis rentré à la maison. Ouais. Quand j'ai voulu chercher à boire et à manger, là. Quand je t'ai dit, et en fait, quand je suis arrivé, t'étais en train de te branler, quoi. Non? Ouais. Et alors? Et donc, du coup, bah, voilà, j'étais un peu choqué, quoi, tu vois. Excuse-moi, mais. Bah, t'arrives, là, j'ouvre la porte et tout, et je te vois en train de te masturber sur toi en bas, quoi. Ouais, bah, en même temps, d'habitude, tu rentres jamais à la maison. Ouais, mais là, je suis rentré. Voilà, la prochaine coup, fois, t'as qu'à prévenir quand tu rentres à la maison. Moi, la porte, elle est ouverte, donc je rentre, quoi. Ouais, bah, d'habitude, tu préviens, tu rentres jamais. Ouais, je rentre jamais parce que je suis toujours parti. Mais là, ouais, voilà, moi, ça me semblait. Enfin, je suis rentré et je te vois là, donc forcément, ça m'a un peu encore ce soir, quoi. Encore ce soir, on a mangé, t'es même pas là. Bah, ouais, après, je suis jeune, donc je balade, quoi. Ouais, bah, ouais. Il y a jeune et jeune, et jeune, quoi. Et puis, pourquoi je t'ai branlé devant le cycliste? Le cycliste, on n'est pas. J'ai branlé devant j'ai regardé vite la télé, c'était les vélos. Donc ça m'a un peu perturbé, tu vois. Par rapport à quoi? Mais t'es obligé de regarder quelque chose, toi, quand tu le branles? Bah, ouais, je pense. Je vois pas ce qui te chafle dedans, je vois pas pourquoi tu m'appelles. Enfin, on peut en parler quand tu rentres à la maison, enfin, je sais pas, mais. Mais ouais, mais c'est plus compliqué. C'est plus facile au téléphone, ouais. C'est plus facile au téléphone quand t'es avec ta bande de copains, ouais. Non, c'est tout ça, non. Ouais, bah oui, c'est ça, oui. Mais oui. Et j'allais pas en parler non plus. Oui, bien sûr, tu sors tout seul, oui, c'est ça. Tu vas me faire croire ça, moi, quoi. Je suis avec des amis, mais je me suis éclipsé. Enfin, voilà, c'est pour ça que je vais taper pour en parler. Oui, tu vas pas me le faire croire, moi, Adrien, s'il te plaît. Bah, c'est ça. On a parlé à tes potes, machin truc. Tes potes, ils ont dit, vas-y, appelle, il faut que tu le saches, machin truc. Et puis là, tes potes, ils sont bien derrière. Donc voilà. C'est quoi, ça sert à rien qu'on en parle. On en parlera à la maison, de toute façon, je vais raconter. Ça sert à rien. Je peux te dire quelque chose. Ouais. Bah, en fait, j'ai appelé la radio. T'as appelé quoi? Bon, ouais, bah, laisse tomber. Hein? Bah, laisse tomber, c'est tout. Tu veux pas m'écouter, toi, c'est tout. Bah, si, vas-y, je t'écoute. Bon, maintenant, de toute façon, on y est. Alors. Bah, non, en fait, voilà, c'était. De toute façon, tu rentreras pas ce soir, donc autant que je t'écoute. Ouais, bah.

De là, enlever ma batterie de voiture, tout ça, donc... Ah bon ? Bien sûr. Genre pour que tu sois bloqué, quoi. Ouais, pour que je sois bloqué, pour plus que je fasse de conneries, pour pas que je raconte, voilà. C'est ok, donc, d'accord. Ça t'empêchera pas de téléphoner, mais bon. Il a pété un plomb. Ouais. Voilà. Et puis, il m'a dit, ouais, je passe à la radio, tout ça, tu te rends compte de ce que tu fais, tout ça, moi, je suis pas un gamin, tout ça, et etc., etc. Et puis le lendemain, donc aujourd'hui... Oui. Aujourd'hui, moi, on a reparlé et en fait, il m'a dit que lui, en étant plus jeune, il aurait fait la même chose, tout ça. Donc bon, ça s'est un peu assoupli, enfin, il s'est assoupli un petit peu et il s'est dit, bon ben voilà quoi. D'accord, alors. Puis, là, je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, ça va mieux. Enfin, je veux dire, il a compris que c'était pour que voilà, que j'avais surpris en train de se masturber. Que maintenant, voilà, enfin, il en rigole maintenant, voilà. C'est tout ce qu'on espérait. En tout cas, nous, on voulait c'est surtout ça. Pas le mettre mal à l'aise, hein, clairement pas. Il nous a appelé. On va l'avoir au téléphone avec nous. Le papa d'Adrien vient nous passer un petit coup de téléphone. On l'a à l'antenne. Sérieux ? Allô ? Ah bon ? Allô ? Oui. Ah, c'est génial. Il est là, c'est génial. Bonsoir le papa d'Adrien. Ça va ? Ça va bien. On est encore désolé pour la surprise hier soir. Parce que bon. Comment il va mon fils ? Bah écoute, il est bien. Ah mais il a été traumatisé. Hein. Non, c'est vrai, mais... ouais, et je pense que là il est bien surpris que j'appelle. Alors Adrien, tu fais moi le malin maintenant ? Bah non, je m'en fous, moi j'ai rien à cacher. Donc... Alors qu'est-ce que... On rigole plus là, d'un coup. Hein. Bah, alors, papa d'Adrien, hein, dont on ne connaîtra pas le prénom parce qu'on garde l'anonymat, bien sûr. Tu confirmes que ça s'est passé comme ça justement avec Adrien hier ? Il y a une petite explication justement. Oui, voilà, c'était un peu tendu au début, mais enfin voilà, après on s'est posé tranquillement, on a discuté tous les deux et voilà, je veux dire après on a tous été jeunes, hein, donc au bout d'un moment je pense qu'il a compris les choses, quoi, donc voilà, ça s'est bien passé, ça s'est bien fini au final, quoi. Bah, exactement, tu vois Adrien, il n'y avait pas de trop à s'inquiéter. Par contre, la chose sur laquelle il va falloir que tu t'améliores, c'est quand tu fais des plans cul à la cam, hein, il va falloir peut-être faire un petit peu moins de bruit, Adrien. Bon, j'ai pas beaucoup de bruit, hein. Non, on va dire ça. Bon, bah, c'est... Et puis tu préviens quand tu rentres, hein. D'accord, ok. Voilà, c'est et ça. Tu fermes la porte quand il est tout seul, comme ça au moins ça évite les gens qui rentrent. Voilà, et avant d'entrer dans le salon, tu toques à la porte, papa, tu te branles. Voilà, ça passe nickel. Non, c'est bon, tu peux rentrer. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup, papa d'Adrien, d'avoir appelé l'émission, c'est super cool. Pas de soucis, merci à vous en tout cas. Merci. Et tu raccroches pas, on va t'envoyer des capotes et le pack Lovin' Fun. Salut, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut, à bientôt. Voilà, on a raccroché au papa d'Adrien. C'est bon, on peut se parler entre nous maintenant, Adrien. Hein, c'est les enfoirés. On est très content en tout cas pour toi, Adrien. Tu reviens ici dans l'émission quand tu veux. C'est ton émission, tu le sais. Il n'y a pas de problème. Gros grand plaisir. Gros bisous, Adrien. Gros bisous à tous. Salut. Bisous. Salut. On prend des nouvelles de l'Instagram. On a posé une petite question sur l'Insta, Alice, sur le tatouage de Doc. Alors, on a beaucoup, beaucoup de commentaires de personnes qui disent stylé le tatouage de Doc. Super tatouage. Franchement, bien fait. Franchement, t'as osé. C'est cool. Donc, on a beaucoup, beaucoup de messages qui disent que ton tatouage est stylé. Mais je n'ai pas mis de sondage pour ne pas laisser la possibilité aux gens de dire qu'il était dégueulasse. Parce que je suis quelqu'un de gentil et je ne veux pas tendre le bâton. C'est vrai que quand on met un petit sondage comme ça sur Instagram, on est vite tenté de mettre la réponse. Genre, tiens, dans ta gueule, il est moche ton tatouage, Doc. Il est dégueulasse. Oh, c'est drôle en même temps de savoir combien il y a de gens qui pensent vraiment qu'il c'est est ça. Moche. Alors, moi, ça ne me gêne pas, on peut le mettre. Hein. Alors, on va le mettre. Je l'assume complètement. Donc, même s'il y en avait 90% qui disaient qu'il est moche, je m'en fous. Tout le monde l'aime ton tatouage. Les gens commentent, donc n'hésitez pas, ça sert à rien de voter parce que de toute façon, j'ai pas mis de sondage. C'est pas grave, moi ce que je veux, c'est que vos commentaires, vos impressions et aussi vos tatouages à vous parce que j'aime bien voir ce que vous tatouez sur le corps. Ça, c'est clair. On aime beaucoup quand vous nous envoyez des petites photos de vos tatouages et surtout quand c'est des tatouages sur les seins. Moi, j'adore ça personnellement. Et puis les filles, les mecs hein, sur les abdos, envoyez. Il y en a pour tout le monde ici dans cette émission. On va accueillir Enzo, il a 19 ans, il est toulousain. Bonsoir Enzo. Salut tout le monde, salut l'équipe. Salut Enzo, bienvenue dans Lovin' Fun. On parle de quoi avec toi ? En fait, j'ai eu une méga gueule pendant un entretien d'embauche aujourd'hui. Ah. Magique. Magique. Oh, putain, je l'aime cette émission. On entend des choses incroyables. J'ai eu une érection en plein entretien d'embauche. Et la personne a vu que t'avais eu une érection, Enzo ? Ouais, elle m'a cramé, ouais. Génial. Enfin, je pense, ouais. Bah, tu vas tout nous raconter dans un instant. Les érections, mauvais moment. N'hésitez pas à nous appeler si ça vous est déjà arrivé. 01 42 48 5000. On écoute Ugel. We can roll now. We can ride out. If there's something that you want, baby, we can go there. Anywhere you dare, I can show you something new later. 'Cause you want it bad and I want it bad, so we can do that. The things that you want, baby, been running around all over town. I finally found a way to get. Your mindless, ain't no pressure at your leisure. We can go as far as you like, baby. We should explore what we're made for. Stay the way, you know that I'll be ready. 'Cause you want it bad and I want it bad, so we can do that. The things that you want, baby, you want, baby. Been running around all over town, I finally found a way to get. Ugel et Taïo Cruz sur Fun Radio. De 22h à minuit. 0,42,48,5. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio. Le numéro pour nous appeler, c'est le 01 42 48 5000. Si vous voulez participer à l'examen, n'hésitez pas, c'est maintenant ou jamais. Vous affrontez un autre candidat pour obtenir un diplôme. Tous les soirs, il y a un diplôme qui part quelque part en France. Et ça, ça fait notre fierté de savoir qu'il y a des personnes aussi intelligentes sur Terre. Et notamment dans ce beau pays qu'est la France. Voilà. N'hésitez pas, 01 42 48 5000. Mélanie, c'est notre auditrice du soir. Elle est avec nous depuis 22h. Tout va bien, Mélanie ? Ouais, ça va nickel. Ah, et Mélanie, est-ce que tu as déjà repéré ? Alors, moi, c'est une question que je me suis toujours posée. Est-ce que vous sentez, les filles, quand on vous fait un bisou, genre on vous embrasse, on vous enlace, est-ce que vous sentez que des fois on a des érections ? Ah non, elle est pas assez grosse, oui, hein, pour ça. Ah ben, Alice ne sent pas grand-chose, a priori. Toi, Mélanie, t'as déjà senti que quand le mec t'embrassait et tout, qu'il avait une petite... Oui, j'ai déjà senti, oui. D'accord, et ça vous fait quel effet Bah, ça dépend quel moment c'est. Enfin, si c'est en soirée, c'est pas très grave. Ouais. Mais genre, si c'est en pleine journée, comme ça peut être gênant. Ouais, après, ça dépend s'il y a du monde avec nous ou pas. Ouais, puis ça dépend de l'âge aussi, hein, parce que quand la personne qui bande. Oui, aussi, oui, forcément, ouais. Et voilà, c'est ça. Et alors, si on parle de ça, c'est parce que parfois nos érections. Donc là, quand on embrasse quelqu'un, c'est normal d'avoir une petite érection, mais parfois nos érections ne sont pas contrôlées. Hein, et c'est vrai qu'on bande pour un oui ou pour un non. Hein, et Enzo nous appelle parce que lui, il est arrivé à la catastrophe. T'as 19 ans, t'es à Toulouse, Enzo. Oui, c'est ça. Il y a bien un moment donné où il ne faut pas bander, c'est un entretien d'embauche, Enzo. Ah ouais, c'est sûr. Surtout... Je le regrette un peu, là. Et j'en profite d'ailleurs, si vous avez déjà vécu une érection au mauvais moment, 01 42 48 5000, c'est le moment de venir nous raconter. Enzo, que s'est-il passé ? En fait, j'étais à un entretien d'embauche aujourd'hui et du coup j'ai vu une responsable tout ça et puis franchement elle était vraiment très très très mignonne. Sure. Genre c'est le genre de fille qui peut faire craquer et puis en fait je trouvais que c'était vraiment ambigu pendant l'entretien. Ah ouais? Franchement, c'était moi je trouvais ça vraiment chaud en fait. Elle était comment? J'essaie de visualiser. Elle avait une jupe noire, ouais. Elle avait des collants, talons, un petit décolleté. Des lunettes? Non, pas de lunettes, non. Oh merde. Elle avait le crayon, tu sais, elle mordillait le crayon un peu, le capuchon. Non, mais genre quand elle m'a regardé, c'était vraiment, c'était excitant en fait. Voilà, c'est ça. Hein, c'est, il y a pas d'autre mot. Hein. D'accord. C'était une brune, les cheveux longs. Ouais, voilà, une brune, cheveux longs, voilà, c'est ça. C'est ce que tu kiffes particulièrement. Ouais, petite pépite, comme je dis. Juste une question, Doc. Pourquoi on bande? Ah bah oui, bien sûr. Pourquoi on bande? Okay, d'accord. Enfin, je veux dire, quel est d'où ça vient ce processus de bandaison? Que se passe-t-il? De bandaison. Hein, érection. L'érection, c'est la vasodilatation des vaisseaux qui sont dans le sexe, et il y a tout un processus qui commence par l'excitation. L'excitation. C'est d'abord parce qu'il y a un stimulus qui t'excite. Ça peut être le toucher, la vue, l'odorat, n'importe quoi, mais quelque chose vient te stimuler et hop, ça fait toute une cascade du cerveau jusqu'à voilà. La tout voilà. À fait. Ça part dans toute la moelle épinière, il y a toute une cascade d'événements ouais. Jusqu'à arriver dans le sexe. Et ça peut aller très vite. Hein. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est quelques, vrai. Il faut quelques secondes. Bien sûr. Et donc là, t'as pas pu te contrôler, Enzo. Tu te retrouves avec une grosse érection, genre la grosse érection, la demi-molle. Ouais, le truc c'est que je m'étais bien habillé. Du coup, j'avais mis un petit pantalon slim et bien slim. Et ça faisait un manche. Le bazar, il y avait un manche. Le braquemar. Hein et donc, est-ce qu'elle l'a vu? Tu nous as dit qu'elle l'avait vu. Au début, au bout d'un moment, j'étais gêné, au fait. Vous étiez assis tous les deux? Oui, tous les deux assis, ouais. Mais avec une table au milieu ou en face à face sans rien? Il y avait un bureau. Et puis, l'entretien se passe, et puis, il a fallu se lever, et puis, c'est sur le coup, je savais pas trop quoi faire, en fait. Allez te mettre de côté. non, justement, ça se voit encore plus, je pense. Mais du coup, j'ai été pris de court et j'ai voulu prendre ma pochette avec mes diplômes, enfin mes CV, tout ça, pour mettre devant. Mais le temps bonne de idée. Prendre, le temps d'y aller, tac. Je pense, ça a été un moment gênant en fait. Elle m'a regardé, je l'ai regardé et ça allait pas. T'as vu où se portaient ses yeux? Sur le coup non, parce que moi j'étais focalisé sur ma pochette. Je voulais vraiment en cacher, mais voilà, après j'espère qu'elle m'a pas grillé, mais je pense que c'est cramé. Ouais, après franchement une femme, Alice, se sent mal à l'aise, j'imagine, face à une érection comme ça non contrôlée. C'est gênant, quoi. Après ça dépend, oui, ça peut être gênant, ça peut être aussi drôle, mais je suis pas sûre que c'est vraiment le truc que tu remarques, tu vois. Par exemple, je serais en train de faire passer un entretien d'embauche à quelqu'un. Ah, ça me viendrait pas à l'idée de mater sa teub pour voir s'il bande, quoi. Ouais. Donc, mais après, c'est proéminent et ça se voit, quoi. Oui, mais bon, à mon avis, c'est surtout quand toi, tu le sais, tu penses que tout le monde le voit. Ah, c'est vrai, ça, et que c'est vrai, du ça. Coup, c'est comme quand t'es bourré, tu dis, oh, tout le monde sait que je suis bourré, sauf que non, il y a que toi qui. Enfin, bon, des fois, ça se voit. Ah, c'est vrai. Des fois, les autres s'en rendent compte et quand ça s'enlève. Ouais, là, ça se voit bien. Mais ça se trouve, avec un peu de chance, elle s'en est pas spécialement rendue compte. De toute façon, si t'as le poste, c'est qu'elle a pas grillé ta gaule, hein. Ouais, mais quand je lui ai dit au revoir, il y a eu un moment de gênance, au fait. C'était vraiment, C'était pas froid, mais presque, quoi. Enfin, voilà, quoi. Elle a dû sentir que t'étais déstabilisé par elle, que en tout cas, elle a dû sentir qu'elle te plaisait. Alors, franchement, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que, en même temps, elle joue un petit peu aussi de la chose. Hein. Ça peut être déstabilisant dans un entretien d'embauche. Il y a certains recruteurs qui utilisent certaines armes particulières pour déstabiliser les gens. Et puis après, bon, bah, elle se rend compte que, ok, elle t'a bien déstabilisé. Et puis, bah là, on remet du froid, quoi. Ah ouais, non, mais là. Justement, on parlera aussi parce que quand on a des érections comme ça, forcément, Enzo, t'as pas été formé. Mais il y a des solutions. Non, assez rapide pour débander, évidemment. Un coup dans les couilles, en général, ça passe bien. Oui, un petit coup dans les couilles. Moi, j'ai une technique, je me penche en avant. Hein, et je sais pas pourquoi, mais. Tu dois avoir l'air super con quand tu fais ça. C'est comme si je me détendais un peu le dos, tu vois, et moi, en me penchant en avant, je débande direct. Ou alors, je croise les jambes. Ah ouais. Non, mais chacun trouve sa technique. Bah oui, j'imagine. Moi, je me donne. Penser à quelque chose aussi, ça peut suffire. Bien sûr. Quelle est ta technique Ah, moi, je pense à un truc sale. Vraiment, vraiment sale. Quoi, sale? Des conneries, hein. Là, tu te censures, Enzo. Hein. Tu peux tout dire ici. Ouais, mais là, j'ai une idée. Mais non, mais ça. Je pense vraiment à des conneries et puis essayer de passer à autre chose, au fait. C'est ça. Me dire ça va passer. Et puis au final, des fois, c'est de pire en pire, quoi. Si tu penses ça va passer, t'es en train de le renforcer, là. Ouais. Il faut vraiment penser à quelque chose qui va te la faire perdre, ton érection. On va prendre des réactions dans un instant, justement. On va continuer d'en parler. C'est arrivé à pas mal d'auditeurs. Hein. 01 42 48 5000. On aura aussi Léo, 19 ans, de Dole. Bonsoir, Léo. Bonsoir toute l'équipe. Salut. Dis donc Léo, on me dit que t'es une célébrité dans le Jura. Oui, un peu. Je suis pas vraiment connu encore. Bah, non mais il faut un début à tout. Tu es qui toi? Je suis Mister Jura. Je suis Mister Jura. Wow. Mister Jura. Wow. Et Mister Jura. Donc t'es beau gosse. Ah ça. C'est pas moi qui peux le juger. Et en plus, tu as la réponse parfaite. Hein, c'est la réponse de je ne sais pas. On le dit peut-être. En attendant, Léo, je suis désolé, mais Mister Jura, on va l'aider. Hein. Mister Jura 2017, il a besoin d'aide, hein, dans le VinFun. Hein, parce que tu veux qu'on récupère ta copine. C'est ça, j'ai besoin de vous. Et si ce soir je piquais la meuf de Mister Jura? Hein, putain de merde! Ce serait pas une belle revanche, ça, sur Mister Camping de Saint-Brieuc? Hein? Léo, tu restes avec nous. On va essayer de récupérer ta copine dans un instant. On continue de parler des érections non contrôlées. Il y aura aussi l'examen pour gagner du cadeau. Et on va revenir avec du son, pas n'importe lequel. Cédric Gervais, Do It Tonight. À tout de suite. Suivez-nous sur Facebook. La page Loving Fun. Le petit dernier de chez Apple vient tout juste d'arriver. Taille 15 cm. Poids 177 grammes. Prix quoi? Hein? Pour gagner le nouvel iPhone XS, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun, avec deux tubes de Martin Garrix mixés à la suite. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio au 3228. Deux sons de Martin Garrix à la suite, c'est gagné! Ah, merci! C'est le double fun on Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Wow. Vous savez, en tant que chat, je suis très sensible aux changements de température. Cela dit, depuis qu'ils ont isolé la maison avec de la laine de verre Isover, je dois reconnaître que je me sens au poil. L'isolation thermique, c'est miaunifique. Découvrez le bien-être d'une maison bien isolée, performante, écologique et durable. Choisissez la laine de verre Isover et bénéficiez des aides financières pour votre projet de rénovation. On est bien avec Isover, expert français de l'isolation. Isover, une marque du groupe Saint-Gobain. Eric, c'est toi? Hé, hey, Julie! Tu vas bien? Ouais, je vais à l'aéroport, là, j'ai un avion dans 2 heures. Oh, c'est dommage, on aurait pu prendre un verre. Ah, bah, avec plaisir. Mais t'as pas un avion dans 2 heures? Oui, enfin, je voulais dire demain soir. Avec EasyJet, il est possible de changer l'horaire du départ jusqu'à 2 heures avant le décollage. Et ça change tout. Voir conditions sur easyjet.com. Restez connectés avec la famille Fun Radio. Fun sur Fun Radio. J'étais sur la chaîne YouTube et franchement la dernière vidéo, alors c'est vrai qu'on avait poussé le débat ici dans cette émission, est-ce que Suissé s'est trompé après cette histoire de dingue hein, qu'on avait vécu à l'antenne. On vous a d'ailleurs fait un petit résumé dans la vidéo, est-ce que Suissé s'est trompé, et elle cartonne hein, cette vidéo, c'est un truc de fou Alice hein. Oui, on vous a même mis le lien sur l'Insta Story de Fun Radio, si vous voulez aller faire un tour, avoir le lien direct, vous swipez, vous arrivez sur la vidéo YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Et oui. Activez les notifications. Allez-y, n'hésitez pas. Et le numéro de téléphone pour nous appeler, le 01 42 48 5000. On parle des érections non contrôlées. Avant de retrouver Mister Jura qui veut récupérer sa copine. D'ailleurs, on a vu une petite photo de Mister Jura, il est plutôt beau gosse. Hein. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. On va vous mettre une petite photo là bientôt. Alors, Matt est avec nous. Bonsoir, Matt. Bonsoir. Bonsoir, Matt. Salut. T'as 26 ans, t'es à Nancy et t'as bandé sans raison. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai été opéré de l'appendicite. Ouais. Et comment? Et si tu veux, ils ont commencé à mettre la sonde. Sauf que j'ai eu l'accident, quoi. Eu l'accident. J'ai levé le kiki, quoi. T'as fait lever ton kiki. Donc la nana, elle était en train de te mettre une petite sonde et tout, et toi, t'as bondé, quoi. Ouais, c'est pas sans raison, quoi. Ça a commencé à toucher, quoi, sans le vouloir, j'ai monté le kiki. C'était une infirmière? Ouais, mais le pire, c'est qu'elle est pas belle du tout, quoi. Ouais, bah c'est juste la stimulation de la zone. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir un truc, hein, c'est que au niveau du sexe, sur l'averse, c'est vraiment, il y a un arc réflexe, c'est-à-dire qu'il y a des nerfs qui partent du sexe et qui font le tour de la moelle épinière et qui reviennent. Et donc, il suffit d'être stimulé sur cette zone-là pour que, ça donne une réaction immédiate. Là, il n'y a pas besoin que ça passe par le cerveau, qui est le deuxième organe sexuel. Bien sûr. Mais il n'y a pas besoin que ça passe par le cerveau. Quand on touche le pénis, boum, ça monte tout seul. On va faire une compilation de petits bruits de doc. Il faut absolument que Coco, dans le zap de Coco, nous fasse un petit zip. Non mais c'est vrai, hein. Non mais c'est vrai. Et Coco, attention, zap de Coco, je dis, je veux une compilation des zip. Ben ça sera fait. Ça sera fait. Voilà. Alors ça, j'attends ça avec impatience. Donc on a Enzo Cabandé à son entretien d'embauche, Matt Cabandé à l'hôpital et Johan est avec nous également. Bonsoir Johan. Bonsoir la team. Bonsoir. Salut. Johan, 25 ans d'Annecy. Ça va mon Johan? Ça va. Et vous, la forme? Bah écoute, en pleine forme. Est-ce que t'as bandé aujourd'hui? Des petites érections? Petite érection matinale, moi, perso. Non, c'est vrai. Le matin, je bande. Je me sens bien. T'as bien de la chance. Ah bah tu bandes pas le matin, toi? Si. Bah, modérément. Non mais voilà, et pourquoi les mecs bondent le matin d'ailleurs, Doc? Il y a un pic physiologique de testostérone sur le petit matin, c'est entre 5 et 7 heures du matin. Ouais. Tu peux être un peu retardé des fois. Ah bah oui, moi c'est plutôt 11 heures. Oui, mais c'est chacun en fonction de sa nuit aussi. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que quand on se couche à 5 heures, c'est plus compliqué. Oui, bah, ça va Doc, j'ai du mal à m'endormir. Je regarde des photos de tes tatouages. Hein. Et donc voilà, il y a un pic physiologique en tout cas de testostérone et donc voilà, il y a des érections. Et on bande beaucoup pendant la nuit, hein. Plusieurs fois par nuit. Alors, Johan, toi, t'as bandé quand, toi? Eh ben, je bande souvent à la salle de musculation. D'accord. Et putain, ça doit être gênant pour les gens qui poussent à côté de toi. Oui, c'est très gênant. Surtout que là, c'était avec ma femme. Donc, du coup, on était en train de faire des développés couchés. Ouais. Donc, je lui ai demandé qu'elle me sécurise. Elle te sécurise? Ouais. Ouais. Donc, elle se met juste au-dessus de moi. Ah bah, oui. Donc voilà, et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, donc, je commence à pousser, et puis bah, elle commence à avoir un fou rire, et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle m'a dit, bah regarde en bas, et bah, j'ai bandé, et mon sexe est sorti à ce moment-là. t'avais le sgeg à l'air, quoi? Ouais, carrément, ouais. Le gland est sorti... Est-ce que madame en a profité? C'est ça la vraie question, bien sûr. C'est un peu compliqué, c'est sûr, c'est excitant, mais d'un côté, c'est qu'il y a beaucoup de monde à la salle de musculation, donc faut, ouais, quoi, sans me vanter, on va dire, elle fait partie de la moyenne haute. Ouais, alors là, t'es en train de te la péter, Johan. T'es en train de dire que t'as une grosse bite, là. T'as vu, ça, c'est les mecs. De temps en temps. Ouais, mais elle doit faire 14, quoi. Ouais. Ouais, 14 plus 4. 18. Bon, ça va, c'est une petite bite. Te la pète pas. Voilà, non mais Johan, c'est surtout. Coup, voilà. D'accord, donc t'as bandé à la salle de musculation. Oui, ça peut être une raison de se faire virer, hein, si vous faites quoi que ce soit. Donc bon, oui, c'est quand même vrai. C'est pas recommandé. Bah, oui, bien sûr. Mais moi, j'ai une copine qui a une très forte poitrine, donc du coup, je sais pas si c'est dû à ça. J'ai l'impression que tout est très très gros chez vous. Très gros sein, très grosse bite. Non, dans la moyenne. D'accord, et en tout cas, Johan, t'es très heureux d'être avec elle et t'es particulièrement excité dès que tu la vois. Bah, ça aide pour les brunettes espagnoles. Ah, ça, bah oui, évidemment. C'est romantique. Tu vois, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, la branlette espagnole, c'est quand on masturbe avec les seins, hein, tout à fait. On met le sexe entre les seins et on y va, on maintient. 1, 2, 1, 2. Alors, il faut savoir aussi que la musculation, ça augmente le taux de testostérone, donc ça peut déjà donner une excitation. Ah, je savais pas ça. Ouais. Quand tu fais de la muscu, t'augmentes ton taux de testostérone. Tout à fait. D'accord. C'est vrai que t'arrêtes, j'ai vu que t'étais musclé, hein, sur Facebook Live. Hein. Ouais, merci. Merci Johan, merci beaucoup. Bon allez, je vais passer le fait que tu te fous de ma gueule, hein. Mais tu sais quoi, je prends le... De quoi? Ah vas-y, continue ta phrase parce que là j'ai l'impression de vivre un rêve. Non, j'ai dit que t'en imposes physiquement, hein. Tu en imposes physiquement. Bah merci Johan, je suis content pour une fois que quelqu'un s'en rend compte. C'est énorme parce que même quand on te fait un compliment, tout le monde pense que le mec se fout de ta gueule. Non, bah moi j'ai jamais misé sur la musculation, hein. De toute façon, j'ai toujours dit, j'en ai fait à 17-18 ans et j'avais arrêté 6 mois. Non, mais quand j'en ai fait, franchement, j'étais. Non, mais vraiment. C'est cool. Hein, j'étais ma stock. Et j'ai arrêté pendant 6 mois et j'avais tout perdu, quoi. Et moi, j'ai une admiration profonde pour ceux qui font de la muscu, qui continuent de cultiver leur corps jour après jour. Enfin, c'est en plus faire de la musculation. Putain, qu'est-ce que t'en chies, quoi. C'est un travail au quotidien, quoi. Ouais, vraiment. C'est super mal. C'est comme la branlette, Karel, comme la branlette. Ouais, alors voilà. Ça, par contre, j'ai pas arrêté. Chacun choisit son camp. Bien sûr. Écoute. Eh ben merci Johan en tout cas. Et tu reviens quand tu veux. Et on va aussi accueillir Alexis qui a une petite histoire là-dessus. Alexis, t'as 17 ans, t'es à Brest. Exactement, oui. Ça va Alexis ? Salut. Oui, ça va. Ça va, bonjour. Eh, Alexis, on dirait que t'es dans ton lit, t'es allongé et tout machin, t'es en train de te détendre et tout. Hein ? C'est exactement ça. Bah t'as eu une dure journée, Alexis ? Complètement, ouais. C'est vrai, eh ben détends-toi. Alexis t'a bandé sans aucune raison, qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a quelques temps, en gros, un date avec une fille. Un date? Ouais. J'étais avec une fille, ouais, et j'ai passé 2 heures avec en train de bander. Ouais. Voilà. Et du coup, pour essayer de cacher ça, j'avais mis ma sacoche devant moi. Normalement elle a pas grillé, mais. Enfin. Merde Alexis. Alexis, putain, t'es en train de nous raconter que t'étais avec une fille que t'as bandé. Bah là, y a pas de. Mais il a bandé pendant 2 heures. Quand même, ça, c'est chaud. Ah, c'est parce que t'as bandé pendant 2 heures, Alexis. Ouais, c'est assez compliqué de tenir quand même. Ah ben, franchement, bander pendant 2 heures, moi je trouve pas ça étonnant. Enfin, je sais pas, quand t'as un rapport sexuel, il y a les préliminaires et tout, ça peut durer large 2 heures. Ouais, mais là, il s'est rien passé, c'était juste un rendez-vous. Il a bandé pendant les 2 heures du rendez-vous avec cette meuf, quoi. C'est long. T'étais dans un bar? Non, c'était dans le bourg. Dans le bourg? Ah ben j'adore, à côté de la boulangerie. Hein, dans le bourg. Et Alexis, surtout, l'histoire, c'est que s'est-il passé après? Parce que quand on bande pendant si longtemps, c'est que derrière, s'il ne se passe rien, il va falloir faire sortir tout. Enfin, voilà quoi. Alexis. Je suis rentré chez moi. Enfin, il ne s'est rien passé du coup avec la fille. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et du coup, je suis rentré à la maison et je m'en suis occupé. Voilà. Donc tu t'es branlé. Voilà. Mais donc elle te plaisait. Exactement, particulièrement, oui. Énormément. Oh oui. Oh oui. Eh bien, merci Alexis pour cette petite histoire. On va te laisser te reposer. T'as l'air très fatigué. C'est cool. Ah ben c'est une dure journée le lundi. Oui. Et on va accueillir Léo. Je remercie Enzo, Matt, Johan qui sont venus ici pour nous raconter leurs érections. Et j'embrasse Johan, la grosse bite. Léo. Tu veux faire une dédicace? Oui. Bah non, Alexis. Non. Non, les autres peuvent, mais pas toi. Non, mais Alexis, écoute, quand tu nous as raconté ton histoire, on s'est fait chier. Oui, carrément, je vais en faire une avant même. Vas-y Alexis, je plaisante, on t'écoute. Eh ben, je vais faire une dédicace à mon petit frère qui est dans la chambre juste à côté, qui vient de découvrir cette histoire. Eh ben, on l'embrasse fort, bon courage à lui. Matt, tu veux passer un message aussi, Matt? Ouais, je voudrais faire une dédicace à l'ASB et à ma chérie Camille. Camille, c'est le mec qui se souvient plus du prénom. Camille. Ah, si, je m'en souviens quand même. Oui, bien sûr, on dirait pas. Et ainsi qu'à. Oh, ce sera tout. Ah bah ce sera tout. Eh ben merci Matt. On va retrouver Léo. Il est là, Léo. Oui, je suis là. Oui, Léo, 19 ans de Dole et Mister Jura 2017. Et modèle photo, oui. Et peut-être mannequin si j'y arrive. Ah ouais, là d'un coup t'en rajoutes, hein. T'étais juste Mister Jura, maintenant modèle photo, peut-être mannequin. Non. Bah, j'aimerais bien être mannequin, mais c'est dur. Ah oui, bah pour ça il faut avoir une belle gueule, Léo, excuse-moi. En gros, j'ai pas la belle gueule. C'est non, j'ai pas dit ça. T'as du potentiel, c'est comme ça qu'ils disent dans le métier, tu sais. Ils disent, toi t'as du potentiel. Léo, ouais. Léo, non, t'es plutôt beau gosse, franchement. En plus, t'as été élu Mister Jura, t'as tout pour toi. Merci. Mais il te manque quelque chose là en ce moment, c'est ta copine. Tu vas nous expliquer pourquoi tu n'es plus avec elle et surtout comment tu veux qu'on t'aide pour peut-être la récupérer ce soir en direct, d'accord? Oui, vas-y, je vous explique comment j'ai rencontré ou pas? Dans un instant, Léo. Dans un instant, ouais, patience. C'est bientôt ton tour, d'accord? Mais Mélanie de Saint-Brieuc, notre auditrice du soir, est-ce que t'aimerais bien voir Mister Jura 2017, une petite photo de Léo là qu'on pourrait mettre sur le Facebook? Non, moi je préférerais Mister Bretagne. Hein. Ah oui, bah oui, bah je ne l'ai jamais appelé. Il n'a pas appelé ce soir. Restez bien avec nous dans un instant sur Fun Radio. On va retrouver Léo. Et là maintenant, on va écouter, comme promis, Cédric Gervais avec Do It Tonight. Tous les soirs du dimanche au jeudi, c'est Love in Fun sur Fun Radio. Gervais sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. 22h minuit sur Fun Radio. Ouais, depuis 22 ans, on est en direct. Déjà une heure d'émission, ça passe très très vite avec vous. Hein. Tous les soirs, du dimanche au jeudi, 22h minuit. Oui, c'est un nouvel horaire. Pour Love in Fun, Love in Fun, avant c'était 20h-22h, on salue hein, tous ceux qui sont restés à nous écouter justement, et puis on salue aussi tous les nouveaux auditeurs, les nouvelles auditrices qui nous rejoignent chaque soir sur Fun Radio, et pour vous, mesdemoiselles, ce soir, il est avec nous, Mister Jura 2017, Léo de Dole. Bonsoir Léo. Bonsoir. Il prend sa voix de beau gosse et tout, j'adore. Bonsoir Léo, bienvenue dans Love in Fun. Alors Léo est peut-être Mister Jura 2017, mais en attendant, il a perdu sa copine. Ouais, problème de cœur, oui. Problème de cœur. Vas-y, raconte-nous Léo, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai rencontré sur Instagram, tout allait bien, et à un moment donné, quand je suis revenu chez moi, elle m'a dit que c'était fini. Attends, là tu vas très vite. Ouais, là, ouais, tu vas un peu trop vite là. Bah, je l'ai rencontrée sur Instagram, mais oui. Donc tu es tombé sur une photo d'elle. Elle était d'où elle? Elle est de Sedan, à côté de la Belgique. D'accord, ok, donc très bien. Donc là tu tombes sur une photo d'elle sur Instagram. Tu te permets de lui envoyer un petit message. Tout à fait. Et ensuite que se passe-t-il? Bah, on commence à se connaître. On s'apprend à se connaître, quoi. On flirte, comme on dit. Vous vous êtes vu? Oui, on s'est vu. J'ai loué un camping pendant une semaine, ouais, en Belgique. Et on s'est vu, on s'est rencontrés et il y a eu le coup de foudre. D'accord. Et là, ça a été le début de votre histoire. C'était il y a combien de temps, ça? C'était en juin. En juin, donc c'était cet été. D'accord. Oui, c'est ça. Voilà. Et vous êtes restés ensemble combien de temps? Deux, trois mois. Ok, et là, ça s'est arrêté quand? Là, ça s'est arrêté il y a un mois. Et ça fait un mois que j'essaye de retourner avec elle. Et ça s'est arrêté à cause de quoi, en fait? Elle t'a donné des explications, quelque chose? Enfin, rien du tout? Bah, elle m'a dit la distance. Après, je parlais avec une copine, on était proches, mais elle était lesbienne, donc elle n'avait rien à voir entre nous. Puis, je pense qu'elle n'avait pas confiance en moi, des choses comme ça. Oui, en fait, elle est un peu jalouse, peut-être qu'elle n'aime pas spécialement ne pas pouvoir voir ce que tu fais, ni les personnes avec qui tu es, même si elles sont lesbiennes ou autres. Et peut-être, ouais, que, bon, bah, du coup, la distance, c'est pas le meilleur combo pour elle et sa personnalité. C'est ça, Puis vu que j'ai plein d'abonnés sur mon Instagram et tout, je pense que ça doit jouer aussi. Pourquoi ? T'as combien d'abonnés ? 17 000. Ah, quand même, ouais, c'est pas mal. Ah, ça mais... t'a coûté cher, j'imagine. Mais c'est... tu comprends que ça puisse être une difficulté quand même, la distance pour quelqu'un. Ah, je sais, mais s'il faut, moi je pouvais habiter où elle habitait, enfin je pouvais déménager, trouver un boulot là-bas. Ah, t'étais prêt à tout quitter Ouais, en quelques mois, quoi. Bah, s'il fallait, pour moi j'avais le coup de foudre, vraiment, je voulais faire ma vie avec elle, avoir des enfants, même si j'ai que 19 ans, enfin voilà. Ah, il faut se méfier des coups de foudre, Léo, parce que là, ouais. T'as 19 ans, mais j'ai l'impression que t'en as 14 en amour. C'est ça. C'est-à-dire que tu t'emballes tout de suite, on va se marier, on va avoir des enfants, t'es la femme de ma vie. Non, je m'emballe pas comme ça. Mais... Faut pas lui dire, quoi, c'est tout. Ouais, c'est ça. Est-ce que voilà. Tu lui as dit ça, ouais, ça. Non, je lui ai pas dit. Enfin, c'est à part que je voulais des enfants plus tard, mais oui. Oui, mais voilà, t'as parlé de toi, mais pas forcément de vous deux et de votre relation. C'est ton premier coup de foudre ? Non, c'est mon deuxième. Puis le premier, c'était dur, j'ai mis un an pour l'oublier. T'es un poisson, toi ? Ouais. C'est vrai ? C'est vrai ? T'es poisson ? Non. Non, parce que moi, je suis pareil et je suis poisson. Et j'ai l'impression que tous les poissons, on est tous hypersensibles et tout. Bref, alors, tu nous as laissé son numéro de téléphone. Tout à fait. Tu veux qu'on l'appelle ce soir ? Bah, si vous voulez, oui. Alors, là, c'est pour toi, hein, surtout. Ça fait... Oui, moi, ça m'arrangerait, mais ça va... Ouais, j'espère que ça va faire revenir, quoi. Ça fait un mois que t'as des nouvelles ou t'as plus de nouvelles ? Bah, ça fait un mois que j'avais des nouvelles et là, elle m'a bloqué cette semaine. Ah parce oui. Je pense qu'à force, j'ai dû la harceler et puis puis vu qu'elle a retrouvé quelqu'un d'autre, bah, elle m'a quitté. Le lendemain, elle était avec une autre. Ah ouais. Ah, dis donc. Ah bah ça, on n'était pas au courant, Léo. Mais ça change tout. Léo, oui. Pourquoi c'est. Alors, moi, je comprends pas ça. Enfin, si, je comprends parce que j'étais pareil. Mais j'ai switché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai compris que ça servait à rien de s'acharner sur quelqu'un qui veut pas de toi. Ouais. D'accord. Mais elle voulait encore de moi parce qu'elle avait mes affaires, elle dormait avec. Elle t'a bloqué. Elle est avec un autre mec. Elle m'a bloqué cette semaine. Elle m'a bloqué cette semaine. Mais avant, elle me bloquait pas. Elle avait encore mes affaires, etc. Et je suis monté en Belgique. J'ai fait aller-retour dans la journée. J'ai fait 8 heures de route pour lui offrir un bouquet de fleurs. Et deux semaines après, je lui ai offert une bague. Ah ouais, mais là, c'était trop. Tu sais, peut-être qu'elle a flippé. Oui. Mais là, t'attends quoi de cet appel ? Si on l'appelle ce soir, tu veux quoi ? Renouer la communication ? Oui, c'est ça. Mais pas forcément te remettre avec elle, de toute façon, elle voudra pas. Non, je pense pas, oui. Mais ça va t'apporter quoi, finalement, de l'avoir encore dans ta vie, de parler avec elle, alors qu'elle, elle a quelqu'un d'autre. Peut-être plus tard qu'elle va revenir, parce qu'elle est jeune, hein, elle a 17 ans, ça se trouve, elle veut profiter. Et toi, tu vas l'attendre pendant 5 ans, et quand elle aura fini de profiter, tu seras là à l'accueillir les bras ouverts ? Oui, mais il sera Mister France, depuis. Ça peut tout changer. Je pense que tu te tortures un petit peu avec cette histoire. Ça m'a l'air d'être assez toxique et tu te fais du mal à ramer, alors que tu sais, puisque tu nous le dis, que c'est pas parce qu'on l'appelle que t'arriveras à te remettre avec elle, sachant qu'elle a un mec. C'est ça. Franchement, je la veux vraiment. Ah bah oui, on voit, tu lâches pas l'affaire. Oui, comme si c'était un objet, je la veux. C'est ça. Tu fais un caprice, en fait. Non, c'est pas un caprice. Est-ce que tu es prêt à entendre aussi qu'elle te dise « Écoute, non, c'est terminé, point, je ne reviendrai pas. Et je ne veux même pas être ami, point, c'est terminé, quoi. » Ouais, c'est possible. Ça peut arriver, hein, parce que t'es peut-être allé un peu trop loin. Tu vois, si elle te bloque, alors qu'avant elle ne l'avait pas fait, c'est peut-être que t'as poussé un peu trop loin. Et donc, bon, à un moment donné, à pousser trop loin, évidemment, on peut ne pas en vouloir. Il faut passer à autre chose, peut-être. Hein, ouais, on va voir. On appelle. Alors, on lui a fait croire que c'était RTL 2 qui allait l'appeler pour gagner un cadeau sur RTL 2. Donc, elle devrait décrocher. Et bien évidemment, on change de radio. Hein. Si on lui dit que c'est Fun Radio, elle va écouter. Donc, voilà, on est assez logique. Hein. Donc, on y va. On appelle Manon en direct. Puis, allô ? Non, on était en double appel, je pense. Ah. Allô ? Alors ça, j'ai l'impression qu'elle s'est trompée de fréquence et qu'elle est tombée sur Fun Radio, dis donc. Hein ? Elle veut pas son cadeau. Elle veut pas son cadeau. On rappelle Manon encore une fois, une dernière fois. Essayons de démasquer, sinon... Ouais, on va essayer sur la ligne de l'Elysée. Je rappelle qu'on a une... 07 67 On va essayer d'appeler sur la ligne de l'Elysée. Je rappelle qu'on a racheté une ligne au président de la République. Mmh. Hein, c'est une ligne sécurisée, donc du coup... La personne est obligée de décrocher. Ouais, sinon, elle explose. Généralement, ouais, le téléphone s'auto-détruit. Voilà, c'est. N'importe quoi. Ah, bah si. Si, Léo. Excuse-nous, Léo. C'est ce qu'on dit. Hein. Bon, ça ne fonctionne pas. Léo, oui. Là, comme ça, à vue de nez, on a l'impression que tu es en train de te planter. Hein. Ouais. Tu te fais elle du est... mal, vraiment, en fait. Déjà, c'est une relation à distance. Elle est en Belgique. Toi, tu es dans le Jura. Là-bas, tu es Mister Jura. Alors qu'en Belgique, t'es que dalle. Non, mais elle habite en France, elle est à Sedan, à la frontière. Oui, oui, non, mais voilà. Enfin, en tout cas, il y a une grosse. Enfin, là, tu nous as dit, il y a 8 heures de route et tout, tu vois, c'est compliqué, quoi. Même en dehors de ça, il faut respecter son choix, sa décision. C'est la relation à distance, c'est compliqué. Et en plus de ça, tu nous l'as dit, elle a quelqu'un d'autre. Donc vraiment, arrête de te faire du mal. Même si tu nous dis, je la veux, bah. Elle ne veut pas de ça, et donc vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. Donc dans tous les cas, tu peux que être déçu de cette relation. Ouais. C'est le moment de passer à autre chose, là. Hein, tu vois ouais, bien, les coups de fil ne donnent rien. Donc voilà, c'est aussi mais un signe. Je pense qu'elle le sait, elle est venue me parler après tout à l'heure. Ouais, c'est toi qui as fait... Enfin, elle sait, je pense. Alors... Voilà, tu vois, en plus elle sait que c'est toi, ça veut dire que tu pousses encore un cran plus loin. Bon, voilà, je pense que là, il faut que tu restes complètement tranquille, que tu ne la contactes plus avant longtemps, à la rigueur dans quelques temps, mais vraiment plus tard, si tu veux faire un coucou amical, pourquoi pas. Mais je crois que là, vaut vraiment que tu la laisses tranquille. Ouais, pas de soucis. Bisous Léo. Attends, je suis bloqué. Bah oui, et c'est ça qui fait que t'agis comme ça. Passe à autre chose, mais bien sûr. Quand on est bloqué, on est frustré, on a envie de péter un câble et d'avoir une explication, de secouer la personne. Attends, il faut que je te parle. Mais c'est tout, c'est comme ça. T'es bloqué, bah t'es bloqué. Bisous mon Léo. Il y en a d'autres. Regarde les autres. Tu veux faire une dédicace pour mes potes ? Ouais, mais bien sûr, dédicace de Mister Jura. Parti. Pour Thomas Frichet qui m'entend, il est en train d'enregistrer en plus. Et ben voilà, en fait, j'ai fait la musique. Et tu sais quoi, et tu réécouteras. C'est pour les mystères. Léo, tu réécouteras dans quelques années cet enregistrement de ton pote et tu te diras putain, mais qu'est-ce que j'ai été con de m'accrocher à cette nana. Oui. Parce que le lendemain, j'ai rencontré la femme de ma vie. Salut Léo. Bisous. Salut. Et vive la paix dans le monde. Salut. Vive les colombes. On va accueillir Alexis, 22 ans de Sens. Bonsoir Alexis. Salut la famille. Salut. On va accueillir Léa, 24 ans de Béthune. Bonsoir Léa. Bonsoir, coucou tout le monde. Salut. Bonsoir. Vous allez participer à l'examen Love in Fun ? Oui. C'est ça. Dans un instant, l'une d'entre vous va redoubler. L'autre aura son examen Love in Fun. Restez bien avec nous. C'est l'événement dans un instant. Nous jouons pour un nouveau diplôme Love in Fun. Et là, on écoute Offenbach, Benjamin Ingrosso. Ils ont toujours pas fait l'intro à la prod de Fun Radio. Donc c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Paradise. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b Offenbach, Benjamin Ingrosso sur Fun Radio. Surprise! Passe ton examen dans Love in Fun sur Fun Radio. L'examen Love in Fun tous les soirs, des nouvelles questions, un nouveau diplôme à gagner. Ce soir, nous accueillons nos deux candidats qui se sont sélectionnés au 01 42 48 5000. Accueillons Alexis, 22 ans de Sens. Bonsoir Alexis! Salut! Salut Alexis, pour toi, c'est le but de toute ta vie, avoir ce diplôme. C'est ça. Bah, on peut le comprendre. J'ai jamais été bon à l'école. Hein. Bah, voilà, mais c'est une occasion de te rattraper ce soir. Quel sera ton buzzer ce soir, Alexis, quand tu penseras avoir la bonne réponse? Pouloulou. Pouloulou. Pouloulou. Pouloulou. Très bien. Et nous accueillons Léa, 24 ans de Béthune. Bonsoir. Bonsoir Léa. Salut. Alors, toi, Léa, tu es célibataire, t'es quoi, toi? Ah non, je suis en couple. T'es en couple. Depuis longtemps, ça se passe bien? C'est pas depuis très longtemps, mais ça se passe très bien. Une belle histoire qui commence en tout cas. C'est ça. Je pense que pour te marier, bien sûr, plus tard, il te faudra un diplôme, hein, pour prouver que t'as fait des études à sa famille, hein. Et le diplôme Love in Fun pourra faire office de magnifique. Ça équivaut à un bac, à peu près, hein. Non, quand même, bac plus 2. Ouais, on est sur du bac plus 2. Faculté plus 2. Alors, Léa, face à Alexis ce soir. Et alors, je ne vais pas vous cacher, il y a eu débat dans l'équipe parce que tous les jours, je prépare mes questions. C'est à peu près la seule chose que je fais dans la journée. Et je ne sais pas, je me passionne pour cet examen et j'ai l'impression que les questions sont trop compliquées, Alice me dit. Non, ce n'est pas qu'elles sont trop compliquées, c'est que c'est différents niveaux de ce qu'on a pu entendre les jours précédents dans l'examen. C'est alors, vrai. Peut-être que l'examen se corse. Eh ben peut-être, oui. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à passer l'examen? Ouais. Bah, je vais faire de mon mieux déjà. Et si on peut vous donner un conseil, n'hésitez pas à buzzer, à proposer quelque chose, même si vous n'êtes pas sûr de votre réponse. Il faut buzzer quand même. Bien sûr. D'accord. On se fait confiance, les gars, on y va. Hein. L'important, c'est de buzzer. On y va. Question. Dans quelle région de France trouve-t-on les meilleurs partenaires sexuels? Trois propositions. Est-ce que c'est en Bretagne, en région Lorraine ou en région parisienne? Pouloulou. Alors, j'ai entendu Pouloulou. Alexis? En parisienne. Et non. Léa? Bon, bah, je vais dire en Bretagne alors. Et non, c'est en région Lorraine. Ah oui, une étude montre que. Je voyais venir. 77% des Lorrains ont déjà trouvé le point G, faisant d'eux les meilleurs partenaires sexuels. Ah, oui. Et pour comparer, en région parisienne, ils sont seulement 33%. Ah, oui. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus. Et en Bretagne. Ils cherchent encore le point G. Un village irréductible de Gaulois connaîtrait le point G à 100% grâce à une potion magique. Voilà. Nouvelle question. Quelle est la capitale de l'Autriche? Oh là là! Il faut buzzer! On buzz! Pouloulou? Oui, Alexis! Aucune idée! Léa, droit de réponse? Je l'ai su, mais je ne le sais plus. Très bien, effectivement, peut-être que les questions sont trop compliquées. Mais oui, mais ils ont peur de dire une connerie alors qu'il faut se lancer. Alors, on est sur la capitale de l'Autriche, c'est Vienne. Bah, hein, oui, quand même. Voilà, c'est juste un peu de culture générale. Alors, nouvelle question, vrai ou faux? Donc là, c'est une question facile, vrai ou faux? À New York, les femmes ont le droit de se promener seins nus dans la rue. Loulou. Oui, Alexis? Ah, faux. Léa? Vrai. Bravo Léa. Bravo. Ça c'est un point bien mérité. Le premier point. Hein, à l'arraché. Et alors ça a fait sensation. C'est une info qui date de 2013, qui est toujours d'actualité. Et c'est vrai que ça avait pas mal buzzé à cette époque-là, puisqu'on apprenait qu'effectivement aux États-Unis, et notamment donc dans la ville de New York, on pouvait se balader torse nu, femme ou homme. Hein, y a pas de problème. Vous pouvez y aller. C'est bon voyage. Sympa, je crois que je vais déménager à New York alors. Ah ben bon voyage à tous. On part tous là-bas. Hein, nouvelle question. Donnez-moi un synonyme d'éjaculé. Loulou. Oui, nous t'écoutons. Cracher la sauce. Cracher la sauce. On l'accorde. Il y avait également envoyer la purée, juter, gicler, arroser le jardin. Hein, ça fonctionne. Ah, je trouve que ça va les questions là, c'est bon. Compléter. Compléter, c'est vrai que la fin c'est plus compliqué. On fera un petit récap des scores après cette question. Compléter cette expression. Avoir le cul. Confinesse. Pouloulou. Léa. Bordé de nouilles. Bordé de nouilles, absolument. On accepte également avoir le cul en chou-fleur et avoir le cul entre deux chaises. Donc, le cul en chou-fleur, tu connais ça, Alexis, hein, c'est quand t'as des petits hémorroïdes. Hein, ça fait mal, ouais. Ça pisse le sang. Non, je connais pas ça. Bah, bien sûr. Alors, chantez-moi une chanson de l'artiste préféré d'Alice, du Céline Dion. Opiné. Oui, Léa. J'en ai plus. Une chanson de Céline Dion. Alexis, droit de réponse. On t'écoute pour la chanson de Céline Dion. Sous le vent. Bravo, sous le vent. Sous le vent. Alors, c'est très mal chanté, mais ça passe. Rappelons ce magnifique duo avec Garou et sous le vent. On a le son, Kassim. Merci, Kassim. En même temps, on va pas l'écouter. Hein. On va pas se faire de mal. On continue. Nouvelle question. Et là, on attaque les questions dures. Mais d'abord, petit récap des points, Alice. 2-2. Deux partout. Égalité entre nos deux candidats ce soir. Comment s'appelait le roi des 1? Pompinez. Oui, Léa. Oula. Attila ? Oui ! Yes ! Et c'est grâce à Mulan, ça. Hein. Ah ouais. Oui, c'est ça. Et c'est exactement ça. Tout est dans Mulan. Tout est dans Mulan. Bien sûr. Vous matez les Disney, vous savez tout. Alors, c'est parti, nouvelle question. Où se lève le soleil ? Pompinez. Oui, Léa. À l'est. À l'est, bonne réponse, attention. Oh là là, remonte tada de Léa ! Léa prend le large, les amis. Il reste encore deux questions. On y va pour une nouvelle question. Qui a dit Aléa Jacta Est? Faut buzzer là. Hein. Oui, Léa. Ça ressemble à du Jules César. Mais... Absolument. Oh là là, Léa. Est-ce qu'on fait la dernière question? On arrête là. Ah bah là, on est à 5-2 pour Léa. Elle nous a pris 3 points d'un coup en une minute. Léa, c'est gagné. Bravo, Léa. Alexis! Ouais. Tu redoubles. Oh, comme d'habitude, hein, j'ai l'habitude. Hein. Alexis, alors ce qui est bien, c'est que ici, il n'y a pas besoin d'attendre un an pour repasser son diplôme. Mais non. Tu rappelles quand tu veux, Alexis. Si reviens demain. Tu veux te rattraper. Tu as encore tes chances. Hein. Quand on redouble, on peut revenir quand on veut. Léa, en attendant, tu gagnes ton diplôme Love in Fun, signé de nos mains, avec un petit message de félicitations, parce qu'on est fiers de connaître une personne aussi intelligente sur cette terre. Bravo, Léa. Oh, merci. Il n'y a pas de problème. On aime nos auditeurs. Bravo, Alex aussi. Gros bisous. Non, Alex, t'as été à chier. Merci. Non, franchement, il a été très cool aussi. Non. Pourri. Attention, sinon vous perdez un auditeur. Hein. Attention. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Le chantage, mais casse-toi. Le chantage, ça marche pas. Alexis, merci de nous écouter tous les soirs, vraiment. De rien. On te fait une grosse bise et tu reviens quand tu veux. Gros bisous. Ok, bisous. Salut Alexis, merci beaucoup d'être avec nous tous les soirs sur Fun Radio. On va faire un appel anonyme dans un instant. Alors, on a changé son prénom. On va dire qu'il s'appelle Ludovic et qu'il a 20 ans. Bonsoir Ludovic. Bonsoir équipe. Bonsoir Ludovic. T'as pas la voix d'un Ludovic. T'as pas la voix d'un Ludovic. Non. Et alors tu nous appelles pourquoi Ludovic? Je vous appelle parce qu'il y a 2 ans de ça, exactement, j'ai 2 ans et demi, j'ai subi le harcèlement scolaire, voilà. Donc je voulais vous en parler. D'accord, voilà. Bah, tu vas tout nous expliquer et il y en a plein qui vivent ça justement et qui ne savent pas comment sortir de cette situation. On va en parler, on va vous aider. Le numéro de téléphone pour réagir après ce témoignage, hein, 01 42 48 5000. Voici Alvaro Soler sur Fun Radio. Va causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, olvidando que estoy bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura I like your body. You're so gorgeous, I can't ignore you. I drink your agua, did I say water? Si mami ben acá, need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me. I came to dance with your girl, come and dance with me. Voy a aprender a controlar. Fiesta, fiesta, you ain't gotta be sola. Bajando, bajando, olvidando, olvidando. Estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Come, come, come, dance with me. Ven, ven, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo. Ven, ven, baila conmigo y baila conmigo. Come, come, come, dance with me. La cintura sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. Love in Fun. 20h, 22h. Love in Fun. Sur Fun Radio. Il est sensuel. Il est sexuel. Il est sexologue. C'est Doc Pavageau tous les soirs sur Fun Radio dans Love in Fun. Doc, pourquoi tu nous mets une musique d'amour? Je vais pas draguer Doc. J'ai l'impression là. Mais pas du tout. On se met dans l'ambiance puisque Doc, en début d'émission, voilà, Anne-Sou, on a parlé pendant le passage d'antenne. C'est vrai que le tatouage se dessine. On a mis une petite photo du tatouage sur l'Instagram de Love in Fun. Gros succès Doc sur ton tatouage. Ah oui, c'est la première fois que je vois un tatouage comme ça. Encore une fois, si vous voulez voir le tatouage de Doc, ça se passe sur l'Instagram de Love in Fun. N'hésitez pas à aller vous abonner. Là, on va se faire un petit appel à anonyme. C'est Ludovic qui nous appelle. C'est l'heure de l'appel anonyme sur Fun Radio. Bonsoir Ludovic. Bonsoir l'équipe. Salut. Alors, salut Ludovic, on a changé ton identité, ton prénom, ta ville, on n'en parle même pas, ton âge. Mais voilà, une chose est sûre, ce soir si tu nous appelles Ludovic, c'est pour témoigner et pour nous parler de quelque chose qui t'a beaucoup marqué et dont tu voulais ce soir parler à tout le monde. Voilà, exactement, t'as tout compris. On t'écoute. Voilà, alors en fait je vous appelle parce qu'en fait il y a maintenant, en fait c'était en février 2016, j'ai été un stage militaire. Enfin, j'étais civil, mais sur la base navale de la Marine nationale à Toulon. Et donc, en fait, ce jour-là, donc je suis arrivé. En fait, on était. Moi, j'étais dans une petite classe, et en fait, ce jour-là, donc, on est arrivé au stage à la caserne, et tout se passait pas trop mal au début. Et puis il se trouve que dans la classe il y avait un élève, donc en particulier avec le reste de la classe, qui me faisait chier depuis la rentrée. Donc ça c'était en février, mais en janvier, et il me faisait chier depuis octobre 2015. Et en fait il se trouve que moi j'avais fait à cause du harcèlement, j'avais déjà fait une tentative de suicide en octobre. Du coup carrément ça allait jusque là quoi, jusqu'à vouloir te donner la mort. Exactement. Il se passait quoi au quotidien pour en arriver là? Parce que tu me dis, j'ai été harcelé, ça veut dire quoi être harcelé? Qu'est-ce qu'il faisait avec toi? Donne-nous des exemples qu'on comprenne bien ta situation. Ouais, bah en fait, si vous voulez, en fait, il y avait tout le temps des moqueries, des rabaissements. Sur quoi? C'était par exemple. Sur le physique, sur la façon de s'habiller, sur voilà, ces genres de choses. Et il y avait aussi des insultes. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, beaucoup d'insultes, oui. Et ce qui m'a le plus dégoûté, ça a été la fin. Enfin, ça a été la fin, on va dire entre guillemets, parce que ça a été pendant le stage que ça a tourné au drame carrément. Ça a tourné au drame où on m'a enfermé après. Enfin, je vais vous expliquer. voilà, c'est assez douloureux encore d'y penser, mais voilà. C'est stress. On sent que t'es un peu sous pression et tout. Prends le temps de nous expliquer. On est vraiment là pour t'écouter, pour t'aider, pour parler avec toi de tout ça. Donc vraiment, détends-toi. Tranquille. Ok. Bon. Voilà. Donc je disais, en fait, donc quand on est arrivé au stage, bon, déjà, comme je disais, il me faisait chier depuis la rentrée et même il y avait, je crois que ce qui m'a le plus marqué un moment, il y avait par deux fois. En fait, il savait ces fils de pute que j'étais un peu sensible par rapport aux filles, tout ça. Voilà, parce que j'étais dans une période en fait où j'étais un peu en manque affectif et tout ça, parce que j'avais pas de petite copine, etc. Et en fait, ce jour-là, enfin, il y a eu deux jours d'affilée, en fait, quasiment. Enfin, peut-être, je me souviens, c'était une semaine après. La première fois, en fait, ils ont la pire humiliation. C'était la première. C'était en fait, ils avaient carrément. En fait, j'avais deux camarades, dont un qui me montrait des messages avec la photo d'une meuf et qui en fait me disait et le mec il me disait que la meuf en fait, elle voulait me pécho, etc. Sauf qu'en fait, la fameuse meuf, c'était le mec d'à côté qui était en train d'écrire les messages. D'accord, ok. Donc en fait, c'était ta gueule. Ouais, clairement. Et après, quand ils m'ont passé le fameux numéro de la soi-disant meuf, en fait, ils m'ont appelé. Et ces fils de pute, ils m'ont appelé à ce moment-là. Et en fait, il s'avère que la fameuse meuf, donc c'était un mec, et enfin, c'était le mec de la classe. Et du coup, après, il se foutait de ma gueule comme ça. Et c'était, voilà. Et après, je me tapais la honte devant tout le monde en classe, etc. Mais tu réagissais comment ? Tu réagissais comment quand il se passait ça ? Par exemple, même quand ils t'insultaient, quand ils étaient chiants avec toi, quand ils te faisaient ce genre d'humiliation, toi, tu prenais les choses comment ? Tu leur parlais ? Tu réagissais ? Franchement, c'est horrible à dire, mais je suis pas fier. Mais franchement, j'avais pas trop à l'époque. Voilà, j'avais pas tellement. Enfin, j'avais des réactions du style. Enfin, moi, j'avais que en tête, j'avais que. Enfin, je les insultais à chaque fois en retour, ben, simplement. Mais bon, après, le truc, c'est qu'aussi, forcément, j'avais pas. Enfin, j'étais un peu sans défense parce que j'étais un contre 10, on va dire. Donc, forcément, ça arrangeait pas les choses. Et puis. Et t'avais aussi, des potes ou des copines aussi Enfin, surtout des potes, puisque c'est l'armée, mais. Ouais. Est-ce que t'avais des potes sur place ? Non, j'en avais aucun. Franchement, Il y avait personne un petit peu de ton côté ? Non, carrément pas. C'était chacun pour sa gueule déjà, donc opposé des valeurs de l'armée. Ouais. Et pour le coup, donc ils avaient, ces fils de pute avaient rien à faire à l'armée d'ailleurs. Ça, je le dis haut et fort. Ensuite, ce qui se passait concrètement, là, je vous ai cité en fait l'exemple type de ce qui m'avait fait subir et ce qui m'avait fait le plus chier, parce que je me sentais vraiment nul et humilié à ce moment-là. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que après, donc on est allé au fameux stage, et donc en fait, on devait rester deux semaines. Sauf qu'en fait, moi, je suis resté deux mois enfermé en HP, quoi. Voilà, à la place. Comment ? T'as été en HP, en hôpital psychiatrique ? Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, je vous parle d'un harcèlement scolaire qui a été un peu, pour moi personnellement, enfin, je prends mon cas personnel, hein, mais ça a été l'aboutissement de 17 années. J'avais 17 ans. Ça a pris la fin. C'était la cerise sur le gâteau de, on va dire, dans le mauvais sens du terme, sur 17 années de souffrance. Puisque depuis tout petit, déjà, j'étais fragile. Déjà à 7 ans, voilà, je vous le dis clairement. À 7 ans, j'ai voulu m'égorger carrément. J'avais déjà fait une tentative de suicide ce jour-là. Et puis après, voilà. Attends, je t'arrête juste là-dessus. À 7 ans, t'as voulu t'égorger. C'est la première fois que j'entends quelque chose d'aussi fou, parce que à 7 ans, quoi. Enfin, 7 ans, c'est pas tout. C'est-à-dire, moi, j'allais dans la cuisine à ce moment-là. Il y avait ma mère qui me frappait parce que j'arrivais pas à me concentrer sur les devoirs. Et puis bon voilà, c'est autre chose, mais voilà, ça fait partie de mon histoire malheureusement, et ça a conduit à tout ça après, enfin au harcèlement final. Mais si vous voulez, ce qui était horrible en fait, c'est que du coup, enfin, quand j'avais fait la TS à 7 ans, la tentative de suicide, en fait, voilà, j'étais déjà battu par mes parents à l'époque. Après, je suis parti en internat, ça a été l'enfer aussi, de la 6e à 3e, mais entre-temps, voilà, j'avais subi des violences physiques et psychologiques de mes parents, enfin voilà. Oui, c'est tout ça qui conduit à ça. Mais comment t'arrives à l'hôpital psychiatrique? Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme en fait en octobre, parce que là, l'histoire du harcèlement à Toulon, c'était en février 2016, mais du coup, moi j'avais refait une tentative de suicide en octobre 2015. Du coup, comme en fait, quand j'ai fait quand j'ai voulu me couper les veines en octobre 2015 et que après j'ai fini aux urgences. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain. Cet abruti de psychiatre en fait a pas voulu que effectivement je revienne en fait à l'école parce qu'en fait ça c'était le soir que j'avais fait après la sortie des cours mais j'ai voulu me couper les veines et en fait il s'avère que le psychiatre m'a relâché dès le soir même, donc du coup je devais retourner en cours le lendemain matin, sauf que le lendemain matin en fait j'avais encore les cicatrices et le pansement surtout et tout ce qui en suit, et en fait les mecs les gens de la classe en fait l'avaient cramé si vous voulez, donc du coup comme ils l'ont cramé, bah après ils ont dit ça peut être que fait exprès, voilà. Et après en fait ce qui s'est passé plus tard, c'est que quand j'ai dénoncé le mec en particulier qui me faisait chier, parce qu'en plus faut pas oublier que le mec en fait qui me faisait chier à Toulon sur la base navale, en fait le mec il était dans ma chambre aussi, donc il continuait crescendo. C'est les provocations, les insultes, voilà, c'était toujours des rabaissements du style tu seras jamais marin, tu seras jamais militaire, etc. T'es une merde, machin, enfin, ce genre de choses en permanence, quoi. Ouais. Et puis un jour, il l'a dit aux militaires, parce que je l'ai balancé en fait. J'ai fini par le balancer, ouais, j'en avais trop marre, de subir, quoi. Et t'as bien fait d'ailleurs. Oui, parce que c'est ce qu'il faut faire, il faut en parler. Il faut en parler. Ouais. Moi, j'ai pas voulu en parler perso parce que, en fait, moi, je sais que les profs, en fait, je pensais pas que les gens comprendraient autour de moi. En fait, j'ai fait cette erreur que je regrette et voilà, je voulais pas aussi parce que je l'ai pas dénoncé aussi parce que je voulais pas au départ mettre de l'huile sur le feu. Oui, tous les gens harcelés, c'est la même chose. Hein. Quand on se fait harceler, on a peur du harceleur, et c'est ce que veut le harceleur justement, c'est que juste tu sois dans la peur pour que tu ne bouges pas, pour que tu ne fasses rien, que tu ne dises rien, et comme ça, tout le processus se continue longtemps, hein, jusqu'au jour où enfin tu parles à quelqu'un. Exactement. Et donc après. Donc ce qui s'est passé après en fait, c'est que quand il l'a balancé, enfin quand je l'ai balancé au militaire, enfin, au chef de section en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui il a dit mais en fait Ludo en fait il a fait une tentative de suicide en octobre, et vous savez monsieur, on l'a voulu le défendre, etc. Sauf qu'en fait le CPE en fait à qui il parlait, parce que le CPE en fait je vous explique le CPE faisait le lien entre l'éducation nationale et la marine nationale. Donc l'armée, et après en fait quand il a dit ça au CPE, en fait ça les a inquiétés. Après je suis passé devant un médecin militaire parce que en fait il voyait que je leur ai avoué que moi j'avais encore mes tendances suicidaires à ce moment-là. Et en fait ce qui se trouve c'est qu'après, enfin ce qu'il y a eu c'est que après je suis parti à l'hôpital des armées à Toulon pour une observation en service psychiatrique militaire. Sauf que le problème c'est que ils m'ont gardé en observation, ils ont dit à mes parents, concrètement ils ont dit à mes parents venez chercher Ludo, ouais. Et en fait venez chercher Ludo, voilà, dès demain, etc. Je sens qu'il y a encore de l'émotion quand on parle à Ludo. Oui, alors difficile. Oui, parce que c'est un témoignage qui est très fort. On sent que ça a été très très lourd pour toi. T'as été jusqu'à aller dans un hôpital psychiatrique, on t'a mis la camisole de force. Ouais, exactement, c'est là que je voulais en venir. Justement, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été deux, trois jours, je sais même plus, j'étais complètement défoncé par les médocs, mais j'étais en observation, et là-dessus, donc ils appellent mes parents, ils les font venir donc en catastrophe de Paris à Toulon le lendemain où ils les ont appelés, le lendemain matin, sauf que le soir où ils les ont appelés, moi, pendant ce temps-là, j'avais fait, j'avais fait une crise d'angoisse. Et je m'étais juste énervé tout ça. Enfin, parce qu'en fait, j'écoutais de la musique, je m'en souviens très bien en plus. J'écoutais de la musique dans ma chambre et les infirmiers, quand ils m'entendaient crier et tout ça, ils s'inquiétaient, ils sont venus à la porte, ils m'ont dit qu'est-ce qui se passe. Et moi, je les ai insultés à ce moment-là. Je crois que je vais le regretter toute ma vie, je vous jure. Je les ai insultés. Sauf que le problème, c'est que quand ils ont, je revois encore la scène. Hein, je vous jure, je m'en parle. Je m'en souviens de la scène. Ils m'ont dit, vous parlez à qui? Ils ont fermé leur gueule. Ils sont partis voir le capitaine ou je sais pas qui là. Et ils sont venus. Ils ont rangé mes affaires. Ils m'ont même pas dit pourquoi. Le lendemain matin, pendant que mes parents en fait arrivaient, parce que ça c'est ce que mes parents m'ont raconté 2 mois après l'histoire, parce que moi j'ai pas pu leur parler pendant une semaine après que je sois enfermé avec la misère. Et bah c'est quoi là? Bah en fait ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé le lendemain matin, en fait ils avaient appelé mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Sauf qu'en fait au moment où mes parents sont arrivés, ils ont dit à mes parents, enfin pendant ce temps-là en fait il y a un infirmier qui m'a dit: François, il y a l'ambulance qui est là, tu pars. Voilà. Et pardon, Ludo. Et puis du coup voilà, après ils m'ont dit bah tu pars. Donc je suis parti. Et là-dessus, j'ai un trou noir. Et en fait, je me réveille, voilà, et je suis en, voilà, en camisole. Je suis en camisole. Je suis attaché, etc. Voilà, j'ai un trou noir. Et là, je me retrouve attaché. Après, il me détache et je suis complètement, parce que je m'étais soi-disant calmé, alors qu'en fait, il m'avait juste défoncé le traitement, quoi. Ludo. C'est une véritable descente aux enfers. On sent que tu revis tout quand tu nous en parles, Ludo, et forcément j'imagine que t'as encore plein d'autres choses à dire. Nous on entend ton témoignage, on pense aussi à ceux qui vivent ça là en ce moment. La question qu'on a envie de te poser aujourd'hui, comment tu vas, Ludovic? C'est surtout ça, parce que est-ce qu'on peut se remettre d'un harcèlement? Je crois que oui, hein, Doc va nous en parler, mais toi comment tu vas aujourd'hui, Ludovic? Bah écoutez, moi aujourd'hui, là actuellement, j'ai dû retourner là en ce moment. Là je suis retourné depuis une semaine en hôpital psychiatrique parce que le problème c'est que à cause de cette histoire et tout mon passé depuis l'enfance et compagnie, et plus ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai encore des idées noires, enfin surtout des idées suicidaires. Et puis t'es en HP là, t'es en hôpital? Ouais, là je suis à l'hôpital. Ouais. Aujourd'hui là tu nous appelles, t'es à l'hôpital? Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et enfin, je vous rassure, je suis en soins libres parce qu'en fait, j'ai pris la décision d'y retourner moi-même pour me protéger de mes idées suicidaires, on va dire. Enfin, justement. Bravo. Et ouais, je sais pas. Ouais. Ah oui, bravo, et parce que ça veut dire que tu fais attention à toi et que t'es conscient de toi-même. Et ça, c'est énorme. Ouais. Dans ce genre de problématique. Pas ce que vous me dites ça, mais ouais. Et oui, dans ce genre de problématique qui est lourde et qui date de très longtemps, hein, il est bien évident que derrière tout ça, il y a ton histoire d'enfance. C'est ton enfance qui fait tout ça, hein. Et qu'évidemment tout ça tu l'apportes. Mais là maintenant, t'es conscient de là où tu vas et tu te protèges toi-même. Et ça, c'est gigantesque comme pas. D'accord. Bien sûr, il faut. C'est bien l'entendre, je veux dire, pardon. Mais Ludo, ouais, t'as l'air un peu ému, on le sent carrément. Comme s'il y avait pas assez d'air et que tu suffoquais, tu vois, quand tu nous parles. Et nous, on se met à ta place. Et tu dois être tellement mal, Ludo, putain. Ça a dû être tellement dur. Mais en même temps, t'as 20 ans, Ludo. Je veux dire. Ouais. Tu peux passer au-dessus de ça et j'imagine que t'es aidé justement dans cet hôpital. Il faut sortir de cet hôpital à un moment donné. Et t'as des amis autour de toi, t'as peut-être une copine. Bah pour tout vous dire, d'abord si vous me permettez, j'aurais voulu juste finir mon histoire et répondre à cette question, c'est possible ou? Oui, après vas-y Ludo, mais l'émission termine à minuit. J'ai juste ça, Ludo. Hein, nous on veut bien t'écouter, il y a pas de problème. Hein, mais au bout d'un moment, nous on va nous dire, il y a Party Fun les gars. Hein? D'accord. Ouais. Mais donc j'en étais que après ça, donc quand je me suis réveillé, je disais bien quand je me suis réveillé, donc j'étais en chambre d'isolement, donc j'étais à l'isolement pendant une semaine. Donc tout fermé, rien pour s'occuper, rien du tout, voilà le cauchemar total. Là, et puis après, au bout d'une semaine, ils m'ont sorti de là, enfin de l'isolement, et puis après ils m'ont gardé à l'hôpital 5 semaines à Toulon, enfin à La Seyne-sur-Mer, du coup l'hôpital civil. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, en résumé, bon, ils ont fait croire à mes parents que en gros il y avait des, ils ont même, enfin qu'il y avait que j'étais vraiment malade, parce qu'ils ont dit à mes parents le jour où ils m'ont enfermé, en fait vous verrez pas votre fils, on l'enferme, il est fou. Voilà. Donc il a insulté tout le monde. Ouais, il a menacé de mort les infirmiers. Il est super dangereux, faut l'enfermer, etc. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'après, quand je suis sorti de l'isolement, mes parents se sont battus corps et âme pour pouvoir me sortir de là. Et en fait, ça a duré déjà 5 semaines. En fait, où la psychiatre en fait disait à mes parents que il fallait attendre en fait que le paiement de l'ambulance arrive en fait pour me transférer à Paris. Sauf que en fait voilà, ils ont pas, elle leur a fait croire ça. Puis en fait au bout de 3 semaines, elle leur a dit en fait il suffisait de payer le transfert pour que Je suis désolé Ludo, mais là tu rentres vraiment dans les détails et tout, on va se perdre, on est en train de perdre tout le monde. Non mais c'est sûr, parce que tu donnes trop de détails si tu veux, et quand tu racontes quelque chose, si tu commences à rentrer dans les détails, après c'est pas qu'on veut t'aider à aller plus vite, c'est qu'on veut surtout te parler d'aujourd'hui et de maintenant, Ludo, parce que l'essentiel, voilà, maintenant ce qui compte, qu'est-ce qui compte maintenant, Doc, c'est important de conclure là-dessus. Ce qui compte, c'est que Ludo sorte de cet hôpital psychiatrique dans lequel il est allé lui-même quand même, bien déjà sûr, pour s'auto-protéger, c'est quand ça. Même pour déjà se pas soigner, mal. Donc quand tu y vas dans ces conditions-là, le psychiatre il dit pas la même chose, hein, quand il reçoit quelqu'un qui dit ben moi je viens de mon plein gré à l'hôpital pour me faire soigner parce que je sais que ça ne va pas, on te regarde pas de la même manière qu'effectivement quand il peut y avoir des violences et qu'il y a des idées suicidaires qui sont très sombres, quand il y a des passages à l'acte, c'est sûr que t'es pas considéré de la même manière. Donc oui, il va en sortir quand il le veut de toute façon, puisqu'il y est allé de son plein gré. Il en sort de son plein gré, donc il est libre. Hein. Ça va être important. Il en parle ici aussi. C'est que tu parles, de cette histoire, c'est que tu te libères, c'est que ça sorte de toi et que t'en parles. Et oui, au psychothérapeute, au psychiatre, à l'assistant social, etc., à tout le monde autour de toi, et que tu progresses sur ton chemin et tu es au début là. Hein. Ça commence maintenant parce que tu commences à en parler. De ta propre volonté, et que toi-même t'as fait le choix d'aller à l'hôpital de ta propre volonté. Tout ça, tu l'as mis en place toi-même, ça c'est bien, et ça va continuer. On va marquer une courte pause. Vous restez bien avec nous dans un instant. On aura aussi d'ailleurs des nouvelles de Noam. Noam qui nous avait appelé dans l'émission et qui avait grillé son père, qui trompait sa mère. Ah oui. Et d'ailleurs, il était content d'avoir des PlayStation 4. Il faisait du chantage. On aura des nouvelles de lui. Savoir s'il a eu la Nintendo Switch, par exemple, depuis. Vous restez bien avec nous. On revient aussi avec Dimitri Vegas, Like Mike. Dimitri Vegas, Like Mike, sans oublier Cashmere, dans 3 minutes sur Fun Radio, de retour tous ensemble dans Love in Fun. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Y'all ready? Dès votre réveil, c'est Bruno dans la radio sur Fun Radio. Est-ce que vous êtes prêts? Tu te rappelles la première fois que tu as vu un dinosaure? Cette semaine, jouez à 8h30 au jeu des 30 secondes. Top chrono! Et à l'occasion de la sortie en Blu-ray et DVD du film Jurassic World Fallen Kingdom. Quelque chose approche. C'est le T-Rex. Tentez de gagner votre iPad. C'est gagné! Bruno dans la radio, 6h-9h sur Fun Radio. Jurassic World Fallen Kingdom. Il faut nous sortir d'ici. Ouais. Disponible mercredi en Blu-ray et DVD. Waouh, et celle-là, regarde. Alors ça, c'est moi dans le Grand Bassin, et là, ça, c'est moi. Oui, non, mais je vais y aller, là. Bah non, mais je croyais qu'on rentrait sur le même vol à 18h. Oui, mais je me suis trompé. En fait, je prends celui de 16h. Mais non, je voulais te montrer les photos de moi qui fait de la planche à voile. C'est bête. Ah ouais, c'est bête. Avec EasyJet, il est possible d'embarquer sur le vol précédent pour seulement 30€. Et ça, ça change tout. Voir conditions sur easyjet.com. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. Fun. Baby, we'll be together when you come over. Yeah, I need you too. Get you a ticket and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Because whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. My mom's mad, but I never cared. And babe, I don't regret it. I'm really sorry that you never met. But girl, I work on that. Even on me, you might as well get me gone. I'll meet you every night. In every dream I find your love. That makes me smile. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. My mom's mad, but I never cared. And babe, I don't regret it. I'm pretty sorry that you never met. But girl, I work on that. Even on me, you might as well get me gone. I'll meet you every night. In every dream I find your love. That makes me smile. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. C'est Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. Merci beaucoup d'être avec nous. J'espère que tout va bien et que vous passez une bonne soirée. On a Mélanie qui est avec nous depuis 22h. Mélanie, est-ce que tu as été faire un petit tour sur Instagram pour aller voir le tatouage de Doc? Oui, et je le trouve très joli. Ah, oh, merci. Ben voilà. C'est gentil. Eh ben, ça fait de toi une belle hypocrite. Hein? Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il représente exactement. Rien. Mais... Rien. Justement. Non, d'accord. Mais c'est ça. Eh, putain, okay. Mais, Doc, mais, je vais de surprise en surprise avec toi. J'ai demandé à la tatoueuse qu'elle laisse faire sa main. Voilà. Voilà, c'est ça. Elle a fini par le branler. Ah. Pardon. C'est la finition main. Mais Mélanie, on va parler de tromperie là maintenant. On va accueillir Noam. Ouais. Il a 14 ans, il est de Lyon. Ça va, champion? Ouais, salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Salut Noam. Noam nous avait appelé dans l'émission, il nous avait fait marrer. Ah, franchement, oui. Noam, parce qu'il nous avait dit, voilà, j'ai crié que mon père il trompait ma mère. Hein, sans pression. Et du coup, j'ai utilisé ça pour avoir des cadeaux. Hein, c'est ce que tu nous as dit un petit peu, Noam. Hein. Ouais, exactement. Alors, on voulait prendre des nouvelles de toi, mais d'abord, on va se faire une petite séance de rattrapage pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà comment Noam pouvait profiter du fait que son père trompait sa mère. Écoutez. Alors, en fait, moi, je vous appelle parce que moi, j'ai grillé mon père en train de tromper ma mère et je voulais vous en parler. Oh, oula. Putain. Mais en pleine action, genre? Non. Non, pas en pleine action, mais en fait, on... pour vous expliquer, c'est que l'autre fois j'ai voulu emprunter l'iPad Pro de mon père et il y avait des photos d'une meuf dans un lit avec lui et donc moi sur le coup c'était pas maman quoi. T'as pas reconnu maman dans le lit. Non. Ouais. Ah non, c'était pas elle. Elle était vachement plus bonne l'autre. Hein. Ah, tu peux pas dire ça, Noam. C'est dur, attends. Putain. Et non, mais attends, raconte là. Donc tu vois l'iPad et tout, tu vois une fille dans le lit. Mais c'était dans le lit de ta maison ou pas? Non, ça devait être dans un hôtel parce que je reconnaissais pas les meubles. C'était pas à la maison, je pense pas. Non. Ok, donc là tu tombes là-dessus, putain, ça devait être chaud. Quoi. C'est choquant quoi. Voilà. Et alors qu'est-ce que tu as fait depuis avec? Ah, je me suis masturbé d'info. En fait, depuis, je suis un petit peu chanté mon père, gentiment, parce que du coup, j'en ai parlé, j'ai dit, ah papa, en fait, j'ai vu des photos dans ton iPad et tout. Et en fait, depuis, je le tiens un petit peu au chantage. L'autre fois, il m'a acheté donc la PS4 avec FIFA 19. Énorme, tu sais que dans une situation comme ça, généralement, pour vanner, on dit, ouais, vas-y, fallu du chantage. Sauf que toi, tu le fais. Grave! Oui, parce que voilà, je voulais une PS4, ça fait 2 ans que je lui demandais. Il me disait non, t'es trop jeune pour jouer aux jeux vidéo. Donc, maintenant j'ai réussi un petit peu à le faire craquer. Enfin, voilà. Et même là, par exemple, le dernier coup, on a été au cinéma. J'ai demandé des pop-corn à ma mère. Donc, elle m'a dit non, j'en ai parlé à mon père. Mon père, il m'a dit ah bah non, maman, elle t'a dit non. Je lui ai dit bah ouais, mais maman, c'est pas tout. Oh non, mais c'est pas possible. Ah génial. Non, c'est horrible. En même temps, c'est horrible. Doc, c'est pas bien de faire ça. Non, bah non. C'est pas ton rôle à toi normalement. C'est à lui de venir te parler et de te dire, écoute, t'es gentil, mais maintenant va falloir arrêter parce que ceci, cela, voilà, on a notre vie privée. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le droit. Hein, bon, évidemment, là, t'as un secret en main, mais c'est leur vie d'adulte. Lui, il a ses secrets. Peut-être que ta mère, elle en a aussi. T'en sais rien. Mais ils en font ce qu'ils veulent, donc c'est pas beau moralement de jouer avec la vie privée de tes parents. Ah ouais, non, mais c'est pas bien, mais j'aurais fait pareil. Carrément. Voilà, je voulais surtout préciser, bon, sur le fait, c'est vrai que des fois c'est marrant et tout, j'en rigole, mais en fait je commence vraiment à culpabiliser, j'ose pas trop en parler à ma mère, parce que quand même ça fait comme un sentiment de malaise, malgré même si j'arrive un peu à m'amuser de ça. Bon alors, oui, évidemment, moi je ne te conseillerais pas d'en parler à ta mère, je pense que d'abord il faut en parler à ton père, mais de manière plus posée que ce que tu l'as fait. Là tu lui as dit, bah ouais, mais moi, bon, voilà, j'ai vu des images, et donc du coup t'as joué avec ça, ça a marché, hein, bon, très bien. C'est vrai que c'est ton père d'abord qui aurait dû te dire, écoute, on va discuter, etc. Bon, il doit pas être très à l'aise avec la question, mais là, il faudrait que toi, tu lui en reparles en disant, écoute, papa, voilà, je sais pas quoi faire de ce secret, ça me gêne, c'est lourd, il faut que je t'en parle. De très bons conseils de Doc, comme d'habitude, bien sûr, avec Noam qui est avec nous. Donc là, on vient de réécouter Noam il y a quelques jours. Noam? Ouais, je suis là. T'as été enlevé par des extraterrestres, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a offert une voiture. On entend du bruit là autour de toi, Noam. Ça y est, t'as ton permis? Oui. Non, je suis en train de rentrer chez moi là. Alors, Noam, la PS4. Hein, ce qui était génial, c'est que généralement quand t'apprends que ton père trompe ta maman, bon bah t'es un petit peu tu sais pas trop comment réagir. Et bon, à aucun moment tu te dis je vais en profiter pour lui faire du chantage. Toi, sans pression, t'en as fait et t'as réussi à avoir ta PS4, Noam, hein? Exactement, oui. T'en es plutôt content alors? Oui et non, oui, parce que j'ai pu en bénéficier, mais non, parce que quand même ça reste assez dégueulasse. Alors ça c'est bien. Ça y est, t'as compris que effectivement ce sont des choses qui ne se font pas. Et les jours ont passé, Noam, est-ce que t'as eu une discussion avec ton papa de nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, pour être sincère, ce qui s'est passé, c'est que lundi il y a une semaine, mon père était parti au foot. Il avait laissé son iPad à la maison. Donc j'en ai parlé, en fait ce que j'ai fait, donc j'ai retrouvé les photos de mon iPad et je les ai montrées à ma mère. J'ai dit, maman, tiens, faut que je te parle, faut que je te montre quelque chose. Je lui ai montré les photos, je lui ai dit, bon bah je te laisse voir ce que tu fais, mais voilà, je voulais t'en parler. T'as les faits devant toi, après je te laisse faire, je te laisse voir ce que tu dois faire. Parle dans le téléphone, Noam, bien dans le téléphone. Ouais. Et donc, le jour passé tout, 2-3 jours. Et après, donc, j'ai appris que mes parents, suite à ça, ma mère m'a annoncé que pendant une semaine, j'allais être chez ma grand-mère, parce qu'ils partaient une semaine au Maroc, tous les deux. Putain, j'ai eu peur de ouf. Je m'attendais au divorce, là. Mais non, ils vont se rabibocher en vacances. C'est ça, ils vont se rabibocher, quoi. Bah, je sais pas ce qui s'est passé entre eux. J'ai pas eu de. Peut-être que c'est pour discuter que tous les deux, je sais pas. Non, quand tu pars au Maroc, tu vas pas pour discuter du pire. Tu vas pour discuter du meilleur, je pense. Ouais, à mon avis, ton père veut se faire pardonner. Ouais, à mon avis, ouais. Bon. Parce que toi, tu l'as donc dit à ta mère, c'est ça? C'est chaud, ouais, ça. J'ai voulu crever l'abcès, mais. Parce que oui, ce qu'on t'avait absolument décommandé de faire. Absolument. Ouais, c'est ce qu'on t'avait déconseillé, Noam. Hein. Merci d'écouter nos conseils. Hein. ça fait non, plaisir. C'était dur. Je voulais crever l'abcès, mais apparemment, ils l'ont pas trop mal pris, donc bon. Voilà. Ouais, quelle histoire. Noam, on t'avait dit de parler avec ton père et de régler cette situation avec ton père. Parce qu'on peut comprendre qu'effectivement, ce soit compliqué d'assumer un secret comme ça aussi lourd. Après, voilà, en parler à ta maman, c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. A priori, oui. Ils partent au Maroc pour régler leurs histoires. Il y a peut-être des bonnes nouvelles qui vont arriver, Noam. C'est tout ce qu'on te souhaite. Parce que voir ses parents se séparer, c'est jamais un truc très cool. Hein. Donc, on espère que ça va aller mieux, Noam. Ouais, j'espère moi aussi, effectivement. Bon, et puis Noël, c'est bientôt la Switch. Ouais, voilà. Hein? S'ils rentrent du Maroc, ça se trouve, ouais, ils ont abandonné chez mamie. Ah ouais, c'est ça. Ah ben, je vous appelle, je suis toujours chez ma grand-mère, ça fait 2 ans. J'en ai un peu marre. Noam, merci en tout cas d'avoir filé des news. Et tu reviens ici quand tu veux, hein. D'accord? Ok, merci beaucoup. Ouais, pour Noël, demande un nouveau téléphone. Ouais, ça marche. Bah, c'est le dernier iPhone, mais ça marche pas. Eh ben, ça fait plaisir de dépenser 1000 boules pour un truc qui fonctionne pas. Salut Noam, ciao. Bisous. Salut. Ciao, gros bisous. Et alors, je lance un appel. Je lance un appel ce soir. Appel à témoin. Ce soir, on vous pose une question ce soir. Est-ce que vous avez déjà balancé l'infidélité de quelqu'un de votre entourage? Alors ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Voilà, tu supportes pas la situation, tu balances. Comme Noam. Exactement ça. Ah bah voilà. Exactement. Ou au contraire, vous avez déjà servi d'alibi pendant que votre pote voyait quelqu'un d'autre. Ah, ça arrive ça des fois. Mais moi, j'ai une copine qui a servi d'alibi à sa mère pendant que sa mère, elle trompait son père, quoi. Donc c'est un truc de ouf. Ah ben venez nous raconter. Ah ouais. On en parlera demain dans l'émission. Si vous voulez passer à l'antenne, maintenant là, vous pouvez appeler le standard. Il y a Coco et Méloche qui vont décrocher pendant 10 minutes au 01 42 48 5000. L'appel est gratuit. Je veux embrasser très fort Mélanie, la briochine qui a été avec nous depuis 22h. Mélanie, c'est ton émission, tu la termines ma chérie. Tu peux dire ce que tu veux. Donc je voulais remercier Karel, Alice, toute l'équipe. Et je voulais dire que c'était une émission hyper bien parce qu'on pouvait parler de tout comme le harcèlement, le cul, enfin tout quoi. Et du coup voilà, merci à tous, j'ai passé une trop bonne soirée. Mélanie, je sais qu'il y a des copines ce soir qui t'écoutent. Oui, j'ai une copine qui m'écoute. Allez, balance le prénom, elle va être contente d'entendre son prénom à la radio. Il y a Marianelle, bon il y en a plusieurs en fait. Bah vas-y, balance tout le monde là. Samantha, Paul Vivien, qui c'est que j'oublie, Yuna, Lola, enfin tout. Ouais. Bah voilà, plein d'auditeurs. Et Anaïs. Lénaïgue. C'est quoi ce prénom? Lénaï. Bah, c'est breton, hein. Mais justement, moi aussi je suis breton. Et c'est quoi le prénom que t'as dit? Lénaïgue. Lénaïgue. Ah, bah, évidemment. Bien sûr, 6ème 3, Yannick Villemin, elle était avec moi au collège. Et bien sûr, je l'embrasse. Bisous, Lénaïgue. Merci beaucoup, Mélanie. Il est minuit 2, faut partir. Je voulais demander un Paxson aussi. On te l'envoie. Francis Aigut, il est chez sa mère, quoi. Il débarque et tout. Les gars, il est minuit 2, faut se casser. Tu sais que ma mère, elle est loin. Hein. Oh putain, la mienne aussi. Allez. Elle est haut et si elle t'entend. Eh ben, je sais qu'elle va me faire mal. On embrasse toutes les mamans du monde ce soir. Moi, toi, ouais, ça va. Mais Mélanie, on te fait des gros bisous, ma chérie. Salut. Gros bisous à vous. Salut. Et on va, puisqu'on déborde ce soir, et que notre directeur d'antenne Francis Aigut est avec nous dans les studios. Oui. Hein, ça va Francis? Mais quand on commence à l'heure pile poil, on a une patate incroyable. À 2 déjà, c'est mort. Mais on a toujours. Alors, excuse-nous Francis, nous on termine pas notre émission à minuit quand c'est minuit, hein. Mais La première règle de la radio, c'est la ponctualité, mon petit pépère. Tu sais quoi, je vais dire ok. Parce que t'es Francis Aigut. Bonsoir Matt. Mais bonsoir tout le monde. Mais j'adore ce genre de fin d'émission et début d'émission pour la mienne, parce que ça part toujours en vrille et je trouve ça vraiment canon. On a débordé. Ouais, les minutes. Oui, non, mais ça c'est pas grave. Mais par contre, la question que je me pose, c'est que justement, Francis nous parle de la ponctualité. Mais si t'es dans le studio Fun Radio à minuit 2, c'est-à-dire que tu dois finir à 23h58 ton émission. Je finis à minuit pile. À minuit pile. Et t'as le temps de venir dans notre studio après. Deux minutes, il y a 40 mètres. Faut quand même. Francis Aigut, il a un mec qui va lui chercher son verre d'eau, il a un mec pour lui tenir son micro, il a un réalisateur, enfin voilà quoi. Quelqu'un il a un mec qui le branle. Francis, il se fait pépon pendant Pop Rock Station. Non, c'est plus possible. Ah bon ? Ah bah non, c'est terminé. Ah bon, merde. Allez, c'est de la moquette maintenant, les studios, ça tâche. C'est fini. Là, ça part vraiment aux couilles. Hein. Donc, Matt, party fun. Ouais, plein de belles choses. Coup de cœur Arcel tout à l'heure à 1h du matin pour terminer l'émission. Et voilà, quoi, on va se faire plaisir, les copains. Merci beaucoup, Matt. Bonne émission. Et on se retrouve demain sur Fun Radio à 22h. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Avec Matt. Ciao, ciao. Et bah ouais, si vous voulez rester d'ailleurs pendant l'émission, n'hésitez pas. On va peut-être parler de plein de choses aussi super sympas cette nuit. Allez, party fun. Ça continue jusqu'à 1h du matin. On prolonge un petit peu le week-end ensemble. Donc, avec le coup de cœur Arcel tout à l'heure à 1h moins 10, le souvenir de la soirée, un souvenir qui date des années début 2000. Et puis là, on va écouter le son d'Adrien Thomas, le poteau. Adrien Thomas avec Line. Et puis on démarre tout de suite l'émission avec Karel qui me fait un petit massage juste derrière les platines. Massage. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Petit massage des épaules, ça fait du bien. On démarre l'émission de ce lundi soir avec Koongs. Voici Be Right Here.